actualité écoutée avec des oreilles décalées. Je vous donne rendez-vous avec ça la semaine prochaine, mais entre-temps, vous pouvez aller écouter toute leur petite production sur le site. Peut-être que la semaine prochaine, je vous offrirai d'ailleurs aussi ce que certains énergumènes ou éléments, suivant vos goûts du son du mois, réalisent à Marseille sur Radio Grenouille. Ça, on verra. Sinon, un rappel aussi, donc aujourd'hui, au 33 rue des Vignoles, au local de la CNT, 70 ans après la Révolution espagnole, conférence, débat, projection de film, c'est raté, conférence, débat, c'est en cours, et spectacle ce soir avec Red Kick et Serge Ujiroyo, 3 euros à 5 euros de participation aux frais. Allez, petit générique, c'est parti pour Bulle Noire. Cette semaine dans Bulle Noire, c'est Bulle de rêve. C'était les Simpsons et non, vous êtes bien à Bulle de rêve sur Radio Libertaire. Oui, c'est le mois de Bulle de rêve. Ce mois-ci, dans Bulle de rêve, on va faire un petit tour du Festival Annecy qui vient de se passer. J'ai plein de monde autour de la table, j'ai interviewé plein de monde, donc on va faire, plutôt que de vous asséner avec les toujours les mêmes critiques qui vous disent ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. On va juste faire un tour de tous les professionnels de l'animation pour voir un petit peu ce qui est intéressant à Annecy, pourquoi le festival est aussi important, pourquoi ce festival qu'on appelle le festival de Cannes de l'animation a gagné ses galons comme ça au cours des années. Je ne vais pas vous les présenter parce qu'il y en a beaucoup, mais vous allez voir, il y a des réalisateurs, des acheteurs, des producteurs, des distributeurs, des étudiants, enfin il y a plein de gens vraiment intéressants. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de plein de choses, et puis en fait, je voulais vous dire un petit mot sur les expériences cinématographiques. Mardi, j'étais à une avant-première absolument horrible, guindée. C'était l'ouverture de Paris Cinéma. On a eu droit à tout, une fausse actrice qui nous faisait croire qu'elle était aussi présentatrice de TPS. Elle ferait mieux de rester présentatrice de TPS plutôt que de devenir actrice. C'était assez insupportable. Bertrand Delanoë qui nous a ressorti son même discours tous les ans sur Paris, la ville du cinéma. Enfin bon, ce genre de choses. Heureusement, il y a le film qui est arrivé. Le film n'est pas très bon. On va dire en soi, c'est le dernier film de Michel Gondry, La science des rêves, et le film est intéressant. Ce qui est très surprenant, c'est qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'arrive de temps à autre, vous rentrez dans un film et puis il y a un personnage qui vous capte, et vous avez l'impression que c'est vous, on a l'impression qu'on a fait le film uniquement pour vous, et il y a ce personnage qui d'un seul coup raconte votre histoire, et le film vous bouleverse, alors qu'en fait il n'est peut-être pas si exceptionnel que ça. Et c'est le cas de La science des rêves. Alors en plus on est à la radio, donc à part mes invités, je peux vous faire croire que je ressemble à Gaël Garcia Bernal, qui est le héros du film, qui joue aussi dans Carnet de voyage. Il y a Alain Chabat dans le film, et surtout il y a des très très belles animations, à mon avis trois des meilleurs animateurs qu'on puisse trouver ici, à part ceux qui sont dans le studio bien sûr. Éric Monchaud, qui avait fait des très très jolies choses. Trop de mémoire, c'est... Annabelle, je sais pas si tu te rappelles, c'était comme un chien, il y avait une histoire de chien notamment. Un chien mouillé, c'était très très beau. Cédric Merci. Quittez. Non, vas-y. Bon, enfin, qui avait fait des très belles choses. Cédric Mercier aussi, qui a notamment fait aussi un petit clip pour les Residents. Et Valérie Pierson, que vous avez entendu ici, qui avait fait le sublime film Pistache. Donc voilà, donc un très beau film à aller voir. Très décousu, ça part dans tous les sens. On se croirait revenu dans un clip de Oui Oui, qu'elle appartenait à Michel Gondry il y a quelques années. Et donc voilà, c'est ces films qui sont des expériences. Et surtout, en plein milieu du film, arrive ce qu'on va entendre maintenant, et alors ça ne peut que me faire adhérer encore plus au film. On écoute Dick Engard. Un dimanche après-midi, à Coutances, dans une chambre d'hôtel moyen, sans étoile. Le soleil passait à travers des rideaux de voile. Un soleil frais. Je me suis levé bien tard ce matin, trop tard pour le petit déjeuner, je suis sorti sans rien manger. Je me suis rangé derrière la queue de la boulangerie. La ville était tout habillée en dimanche et en soleil. Un soleil sablé et un pain raisin comme seule compagnie. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, entre deux vacances, un dimanche après-midi, à Coutances. Voilà, c'était Dick and Gern, Coutances, c'est une très belle chanson. On écoutera encore un autre morceau, Dick and Gern, ça va être notre fil conducteur musical. Il y aura très peu de musique aujourd'hui, puisqu'on va surtout entendre plein de gens parler. Et donc maintenant, on écoute directement Nathalie Bougon, qui est journaliste et qui va nous dire ce qu'elle pense de Annecy. On écoute Nathalie. Donc Nathalie, journaliste à Annie Mélan des Chroniqueurs, notamment, comme je viens de le dire. Est-ce que pour toi, c'est obligatoire, à ton avis, d'aller à Annecy pour écrire sur le cinéma d'animation aujourd'hui? Je pense qu'Annecy demeure un rendez-vous indispensable dans la mesure où on y voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Je pense que ça reste un festival vraiment intéressant qui est capable de montrer aussi bien des choses très comment dire très rares comme une programmation aussi mainstream, notamment dans les longs métrages. Ouais. Donc je pense que c'est ça la force d'Annecy, c'est cette variété, être capable de proposer en fait au public et aux professionnels une programmation extrêmement éclectique qui va du programme des courts-métrages où c'est parfois très pointu, aux films d'étudiants, jusqu'à les grosses machines telles Pixar ou bien des productions japonaises. Voilà, donc je pense que oui, c'est indispensable. C'est, pour moi, ça me fait toujours penser au festival d'Angoulême pour la bande dessinée, ouais. qui est pareil, un rendez-vous incontournable, même s'il y a des aspects, après en tant que professionnel, qui n'intéressent pas nécessairement, il y a quand même cette diversité d'événements organisés en fait autour de l'animation, et Annecy, c'est grâce à cette programmation très éclectique. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, au niveau des rencontres qu'il peut y avoir, aussi bien avec les professionnels, que ce soit réalisateurs, est-ce qu'il y en a plus, tu as l'impression aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on voit aussi bien des avant-premières comme Monster House ou Cars ou des choses comme ça. On a l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de gros studios américains qui viennent, et puis pas mal de japonais aussi. Puis il y a plus de réalisateurs japonais, on a l'impression qu'ils viennent, non, qu'avant? Oui, je pense que moi, ça fait pas énormément de temps que je viens à Annecy, mais ça fait quelques années, et c'est vrai que même sur ce laps de temps assez modeste, je vois une évolution, effectivement. J'ai le sentiment, oui, qu'il y a une place faite au côté événementiel, c'est un petit peu le côté vitrine du festival, selon moi. Mmh. Ce sont ces grosses productions, justement, américaines essentiellement, qui créent l'événement. Disons que c'est vrai que les médias, quand ils parlent d'Annecy, souvent ils parlent de ça. Hein. Par exemple, il y a eu un article dans Libé sur Cars. Voilà, ça, typiquement, ils en ont parlé parce qu'ils étaient à Annecy. Je ne sais pas s'ils ont vu autre chose, mais ça, ils l'ont vu. Et je pense donc que le festival, peut-être, a besoin en termes d'image aujourd'hui, de visibilité médiatique, ouais, a besoin peut-être de ces grosses machines. Bon, ça crée l'événement aussi au niveau du public, hein. C'est-à-dire que je crois que les gens sont très très contents en allant au Festival d'Annecy de pouvoir aussi assister à des avant-premières comme ça de grosses machines hollywoodiennes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs l'avenue Tim Burton est rentrée dans ce même cadre d'amener les médias les plus larges. Oui, je pense que c'est l'aspect vitrine du festival, c'est l'aspect le show, quoi. Le côté, on a des invités prestigieux, etc., alors qu'il n'y a pas nécessairement d'actualité, puisque les noces funèbres sont sorties il y a des mois de cela. Donc en fait, c'est plus un prétexte pour pouvoir parler du festival, mais je ne trouve pas que ce soit quelque chose de honteux. Je pense que c'est aussi un petit peu la politique actuelle, c'est de pouvoir donner une visibilité maximum au festival. Et est-ce que tu penses que ça marche vraiment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi un regain par rapport aux journalistes plus traditionnels ? Tu parlais de Libé notamment. Est-ce qu'il y a, un regain d'intérêt de ces journalistes, par exemple, pour l'animation aujourd'hui ? Non, je pense que c'est limité. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait parler du festival. Je pense aussi que ça plaît au public. Donc ça, c'est un aspect important aussi de la chose. Par contre, je ne pense pas que ça, change le regard que les médias généralistes ont sur l'animation. Il ne faut pas se leurrer. Mmh. Je crois que c'est vraiment une vitrine. C'est plus un aspect médiatique et peut-être même commercial aussi après, voilà, qui est mis en avant à travers ce type d'événement. Après, bon, les journalistes parlent malheureusement souvent du festival, c'est un petit peu pareil pour Angoulême encore une fois, hein, à ces occasions-là, ouais. Et très peu à des occasions peut-être plus intéressantes au niveau de l'animation, mais qui ne sont pas le côté strass et paillettes. Hein, bien voilà. Sûr. Et alors toi justement, qui écris principalement, qui écris sur d'autres choses, mais aussi sur l'animation, pas mal sur l'animation, tu t'attends quoi d'un festival comme Annecy quand tu y vas en fait? Bah, moi je sais. Encore une fois, c'est le fait de pouvoir voir des choses qu'on voit pas ailleurs. Après, j'aime aussi cette variété. J'avoue que j'aime pouvoir passer d'une projection de court-métrages à des films de télévision qui sont toujours des programmations, moi, que j'aime beaucoup, les films de télévision personnellement, parce que c'est entre le côté arty et le côté commercial. Enfin, on sent, je trouve, il y a une espèce de tension entre les deux, c'est-à-dire il y a des gens qui ont plein d'idées, je trouve ça très dynamique comme production, avec du bon et du moins bon, et en même temps il y a des impératifs, on sent, en termes de format, etc. Et je trouve que c'est toujours intéressant. Donc, moi j'aime pouvoir justement passer d'une programmation à l'autre, parce que je pense que, mon point de vue, si la programmation était plus homogène, en termes de format, etc., moi je pense que ça m'intéresserait moins. D'accord. J'aime ce côté vraiment, passer de l'un à l'autre, de la grosse machine hollywoodienne à des films de commande. Voilà, c'est ça que moi je trouve intéressant, Annecy. Alors justement, qu'est-ce que. Alors avant de passer à des coups de cœur et coups de gueule du festival, on peut s'attendre à quoi le numéro tu vas écrire pour Animeland? Le numéro est déjà bouclé, on peut s'attendre à un gros dossier, quelque chose, parce qu'il y a eu un changement d'Animeland, j'avais reçu Yvan West-Laurence. Qu'est-ce que... Animeland aujourd'hui, en fait, très essentiellement de Japanime, donc d'animation ouais. Japonaise, cible dorénavant son public résolument sur le lectorat adolescent, voire pré-adolescent. Donc, il ne faut pas se leurrer, c'est dans cette politique qui est le choix du journal, un choix, mais aussi, qui est une orientation qui a été choisie par la rédaction. C'est vrai que Annecy a peu de place, hein, parce que bon, c'est un événement sur l'animation, mais il y a très peu d'animation japonaise telle que l'entend Animeland, c'est-à-dire des séries commerciales adressées aux adolescents. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution par rapport au fait que je ne sais pas si c'est de plus en plus, on verra l'année prochaine, mais il y avait cette année en tout cas une programmation intéressante concernant le Japon. Disons que le Japon est souvent vraiment absent du festival d'Annecy, hein. Bon, c'est pas le seul représentant de la seule nation animée qui peut-être est absente, mais c'est vrai que bon, en termes de production, le Japon est un pays très important. Et là, bon, il y avait plusieurs films présentés, longs métrages. Bon, malgré tout, je ne sais pas si c'est une évolution. J'ai plus l'impression que cette année, c'était du fait du distributeur, en fait, des deux longs métrages en question, qui, ouais. À mon avis, a peut-être, fait une bonne politique pour pouvoir présenter ces films. Voilà, moi, je vois plutôt ça, comme un événement un petit peu isolé. Faudra voir à l'avenir. On verra. Bon, alors. Coup de cœur et coup de gueule de Nathalie Bougon sur Annecy 2006. Mon coup de cœur, c'est Monster House. parce que j'y suis allée en traînant les pieds. Ouais. J'avais vu la bande-annonce, j'avais trouvé ça moche. Moi, je suis toujours pas convaincue par certains partis pris de 3D, donc bon, voilà. Hein, bon. Et puis en fait, c'était pour moi un enchantement. J'ai trouvé ça, certes, pas techniquement, évidemment, quand on voit Cars à côté, bon, c'est pas ça, mais bon, quoi que ça tient la route, hein. Mais c'est surtout l'esprit, quoi. C'est-à-dire, j'ai trouvé que c'était drôle, que c'était fun, que c'était. Qu'il y avait une espèce de un ton irrévérencieux qu'on ne voit plus. Moi, ça m'a rappelé les films des années 80, quand j'étais gamine, donc ça remonte. Et une espèce de côté, le fait de ne pas prendre les enfants pour des cons. D'accord. C'est-à-dire, voilà, on fait de l'humour, on parle de. Alors, ça parle de. Y a le jeune héros à la voix qui mue. Ça parle de la sexualité naissante, ça parle des relations avec les parents qui sont envahissants, qui savent pas comment ils doivent se comporter avec leurs enfants, si c'est plus des enfants, mais c'est pas encore des adultes. Bon, ça parle de tout ça, du passage à l'âge adulte, avec une histoire fantastique qui je trouvais très bien traitée. C'est-à-dire, pour moi, c'est un vrai film d'horreur. Okay. C'est-à-dire que là, on fait peur aux enfants, mais ça fait peur, vraiment. Donc, ça parle de la mort, ça parle du deuil, c'est vraiment effrayant. Et j'ai trouvé que c'était salutaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Enfin, je trouve que Pixar a perdu sa flamme, ce qui faisait son originalité, son humour. En voyant Monster House, j'ai eu l'impression de non pas de retrouver l'esprit Pixar, mais de revoir mille et une pattes un petit peu. D'accord. C'est-à-dire ce côté ah c'est génial, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, ou bien on a rarement vu ça, quoi. Adresser aux enfants aujourd'hui, l'animation qui s'adresse aux enfants est extrêmement lénifiante. Yeah, ouais. Voilà. Et là, on a un film qui n'a pas peur de faire peur et qui est drôle en diable. Enfin, voilà. Bon, donc, moi, c'est mon coup de cœur. Génial. Sorti en août, les gens pourront le voir. Il sort en août en France. Et donc, rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, un petit coup de gueule C'est ce qui. Bon, ce ne sera pas nouveau parce que ça me fait ça chaque année. C'est qu'en fait, je ne comprends pas que certains films soient en compétition dans les courts-métrages et puis d'autres pas. Alors, bon, ça, je pense que j'ai absolument pas les moyens de répondre à ma propre indignation. Mais c'est vrai que parfois, on voit des choses dans la sélection de cours. Ça fait un petit peu comme chez Jacques Martin, quoi. Il en faut pour tout le monde, pour que tout le monde soit content. Et donc, c'est vrai qu'il y a des cours, parfois, on voit ça en compétition. On fait, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Alors qu'on peut voir des films d'étudiants, etc., qui seront beaucoup plus intéressants, ou des films hors compétition. Aussi. Voilà, donc bon, après, je sais pas à quoi ça tient spécialement. Donc, toujours Bulle de Rêve, vous venez d'entendre Nathalie Bougon, qui nous parlait, journaliste, donc animateur des Chroniques, qui nous parlait un peu de sa vision d'Annecy, quelques petites choses intéressantes qui vont revenir un petit peu, je pense notamment les courts-métrages. On a vu cette année de très très belles choses en court-métrage et des choses un petit peu moins bonnes. Mais comme on n'aime pas parler des moins bonnes choses, on va parler des très bonnes choses qu'on a vues cette année à Annecy. Et donc, on va commencer par Sarah Van Den Boom et Novecento. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc, qui était en compétition cette année, quand on passe des années pour faire un film, ça fait quoi d'être en compétition dans soi-disant le plus gros festival du monde? Ça fait très très plaisir, d'autant plus qu'on a quand même une tendresse particulière pour Annecy. Cela dit, bon, ça fait quand même un an que mon film tourne, donc j'avais malheureusement eu le temps un peu de me, je vais pas dire de me blaser parce que on n'est jamais blasé, hein, mais bon, c'était une grande joie, oui. Ouais. Puis toujours très impressionnant de voir son film sur un grand écran, quoi, avec une salle remplie de monde, comme ça, ça fait toujours un effet bœuf. Toi, tu as fait l'ENSAD ? Ouais. Est-ce qu'en tant qu'étudiante, tu avais été à Annecy ? Oui, parce que mon film de fin d'études avait été sélectionné. D'accord. Donc voilà, c'était ma première visite à Annecy. Et donc on apprend beaucoup quand on va à Annecy. En tant qu'étudiante, est-ce qu'on regarde beaucoup de choses J'ai mis du temps à rentrer dans le bain d'Annecy en fait, parce que j'ai eu beaucoup de mal à commencer à rencontrer des gens, à vraiment profiter du festival point de vue humain. Il m'a fallu quelques années pour commencer à connaître suffisamment de gens pour que ces rencontres m'en fassent faire d'autres et que ça devienne vraiment un moment important. Alors justement, est-ce qu'il y a vraiment des rencontres? Parce que je sais qu'il y a, on va parler un peu de tout, hein, des choses qui fonctionnent bien à Annecy, puis des choses qui peut-être fonctionnent un peu moins bien. Il y a notamment des rencontres le matin avec Serge Brambert, qui est directeur artistique. Ouais. Je sais que des fois, on ne prévient pas les réalisateurs. T'étais prévenu, toi, t'étais... Moi, cette année-là, je savais que ça existait, parce que j'avais eu le temps de... Effectivement, je n'ai pas vraiment été prévenu. C'est très flou, et je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs, parfois très intéressants, qui ne sont pas venus au rendez-vous, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils devaient s'y rendre. Et cette année, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, je crois. Parce qu'il y en a avec qui ça se passe un peu moins bien. Écoute, oui, Franck. Il paraît. Il y a Franck Dion qui est là aussi, je vais le présenter au fur et à mesure, l'inventeur fantôme, vous l'avez déjà entendu, tu te rappelles de ta... Oui, pourquoi tu dis que ça s'est pas bien passé? Je ne sais pas, dis-moi. Ah, parce que... Non. Il n'y a pas eu un petit début au tout début, au niveau en disant, quand il t'avait dit, des amateurs... Ah si, parce que oui, Serge, j'avais présenté... Un peu d'huile sur le feu. Ouais, tu mets un peu d'huile sur le feu, t'es un peu pénible. Si, parce que Serge, en fait, a présenté le film en me disant, ça fait quoi d'être produit par les armateurs? Les armateurs, bon, pour les Ophites, c'est Kirikou, la triplette de Belleville. Et j'avais trouvé un peu provocateur, voire déplacé, le fait de parler de mon premier film, que j'avais fini presque dans ma cuisine pendant 6 mois sans un rond, comme étant une super méga production. Voilà. C'est juste ça. Oui, non, c'était juste. Non, c'est parce que beaucoup de réalisateurs, et notamment un réalisateur américain qui a fait un très beau film qui s'appelle Fable, était pas au courant. Et donc il a pas pu aller à la. Dan Souza. Dan Souza, qui a vraiment ce film magnifique. Est-ce qu'on a vraiment une pression pendant la vision du film? La réaction du public a changé à Annecy aujourd'hui. Est-ce que toi, tu le ressentais, même par rapport à ton film étudiant, quand il est passé ou... En fait, quand on est réalisateur dans la salle, enfin, je pense que tout le monde a été comme moi, on regarde pas le film, on a des antennes qui sont dirigées vers toute la salle, et c'est un moment extrêmement stressant et abominable. Ouais. D'autant plus qu'une fois sur deux, on voit des détails très gênants dans le film, et qu'on a une peur bleue, que tout le monde les voit. Mais donc c'est un moment très stressant. Mais cela dit, moi j'ai été vraiment surprise par l'accueil que le public a fait à mon film cette année. Et j'étais extrêmement touchée. Et c'était un grand moment. Alors une fois qu'on a présenté le film, qu'il est, on va voir quoi des... On va voir des gens, on va voir des producteurs, on a des envies de rencontres. Comment ça se passe à Annecy? Est-ce qu'on vous laisse seul dans la nature? Ou est-ce que vous êtes... prise en charge et il y a beaucoup de rencontres, de choses comme ça? Non, on est assez seul dans la nature. Il y a quelques rencontres, mais qui se font de façon un peu sauvage. Oui, disons que c'est pas un festival qui est dirigé vers les rencontres entre réalisateurs. Hein. Je pense que c'est sans doute pas le but du festival tel qu'il est conçu en ce moment. Donc, parce qu'après on va entendre beaucoup de gens justement vont pour les rencontres, mais c'est plus au niveau économique. C'est vrai que les réalisateurs sont moins possibilité. Voilà. Alors Novecento, ça commence quand l'aventure? Novecento, tu te rappelles? Oh là, ça fait très très très très longtemps. Ça fait très longtemps. Je pourrais même plus donner de date, parce que j'ai lu le roman, le texte de Barrico, ouais. Et puis j'ai eu un coup de cœur. Le temps que je me décide, et puis il a fallu acquérir les droits. Ça a été très très long. Il y a eu toutes les démarches pour obtenir l'argent nécessaire pour monter le film. Donc ça a duré en tout, je crois, 4 ans, quelque chose comme ça, pour que le film soit finalisé. L'animation elle-même a duré 18 mois. 18 voilà, mois. Oui. Il y avait combien de personnes? J'ai travaillé presque tout le temps toute seule. Les 3 derniers mois, j'ai eu peur d'être en retard. J'ai donc fait appel à un petit studio qui venait de se créer et qui a réuni quelques stagiaires pour m'aider à terminer... le film, un peu dans la panique. Ça s'est pas très très bien passé, parce que c'était entre Paris et Strasbourg par internet. Enfin voilà, ça a été une expérience très sportive. Toujours difficile, mais ouais. Bon, j'espère enrichissant pour les stagiaires qui ont travaillé dessus, et puis pour moi aussi, parce que c'était ma première expérience d'équipe. Donc voilà. Donc le film raconte, beaucoup de gens ont peut-être lu ou connaissent l'histoire de Machento. Moi, j'avoue, j'ai même pas lu la nouvelle, mais c'est vrai que c'est une histoire qu'on connaît plus ou moins. Ce garçon qui naît en fait dans un bateau et qui va rester, qui va devenir pianiste dans le bateau. Et... enfin, on n'en dit pas trop parce qu'il faut voir le film. 17 minutes, c'est long. Oui, c'est long. C'est un peu de la folie, non ? J'avais pas prévu de faire aussi long. Je pensais partir sur 13 et puis voilà, ça s'est terminé en 117 minutes. Ouais, c'est. Alors, c'est. Pour dire, je ne sais pas si quelqu'un voudra en parler, mais c'est un film en quasiment tout le temps noir et blanc. C'est de l'ordinateur, mais c'est de l'ordinateur en deux dimensions, on va dire. Tu as même à un moment donné, pour les gens qui connaissent, on a presque l'impression d'avoir une animation à la Alexeyev par cœur, c'est en écran d'épingle. Quelque chose d'assez particulier, cet écran d'épingle, qui est 1930, si je ne dis pas de bêtises, et où c'est un écran avec plein d'épingles et qui bouge petit à petit de manière et de la main dont on met la lumière. Ça va donner une image plus ou moins profonde avec du relief. Et je trouve que tu étais très proche de ça. Je ne sais pas si. En fait, je cherchais vraiment un rendu très, très manuel, très bidouillage, comme ce qu'on pourrait faire sur du papier, sur un écran d'épingle, avec de la peinture sur verre. Mais j'ai pensé que c'était plus simple de passer par une tablette graphique. Donc j'ai trouvé un logiciel qui me proposait des brosses qui m'ont plu, voilà, qui s'appelle GIMP, qui tourne sous Linux. Et grâce à ces brosses animées, elles-mêmes, j'ai pu avoir ce rendu-là qui est un peu particulier, mais qui m'a bien plu. Voilà. Je pense que ça a été une des choses qui ont percuté pour que le film se fasse. Vraiment, cette image que j'ai trouvée à ce moment-là. Et alors, quand on est jeune réalisatrice, comment on fait pour trouver l'argent pour faire son premier film? Bon, en fait, là, il y a eu une rencontre avec un jeune réalisateur italien qui avait encore rien produit. Jeune producteur qui en était à monter sa boîte de prod. Puis on est parti sur cette idée-là, simplement parce qu'il a bien aimé mes croquis. Et voilà, et ça a été une rencontre, en fait. Et ça part comme ça? Là, en l'occurrence, c'est parti comme ça. Oui, c'était peut-être un petit peu. Ça tient à peu de choses, juste un coup de cœur, en fait, des coups de cœur entre. Je crois que ça se passe toujours un petit peu comme ça, ouais. Mine de rien. Il me semble. Mais dans l'animation, quand ça prend beaucoup de temps, c'est toujours un peu compliqué de trouver un producteur. On va en parler après. Je pense beaucoup aux producteurs parce que vous avez monté une société de production à plusieurs. On va en parler juste après. J'aimerais juste par rapport à ce qu'on trouve dans l'ordinateur, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un film qui était malheureusement pas qu'on connaît, puisqu'il y a. Il y a un site internet qui s'appelle foodanime.org qui est assez connu. Il y a un film qui s'appelle Petit à Petit de Sabine Nittier, qui est un très joli petit film aussi, avec un rendu très particulier au niveau de l'ordinateur. Alors, question un peu facile, toujours un petit peu. Vous pensez vraiment que l'ordinateur aujourd'hui va, quand on voit ce qu'on a dans les courts-métrages, balayer tout ça, maintenant qu'on peut faire en effet du pastel, qu'on peut faire quasiment de l'écran d'épingle, qu'on peut faire tout ça? Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça, Sarah. Je pense que l'ordinateur donne des possibilités qui n'existaient pas autrefois parce qu'il simplifie énormément le côté technique et qu'il ne va pas balayer, parce que je pense que ce n'est pas parce qu'il y a la photo que la peinture a disparu, mais c'est vrai qu'il permet de se passer d'une caméra, d'un banc de titre, de toute la manipulation technique qui peut être très lourde sur un dessin animé, et ça fait qu'on peut faire un film dans son salon aujourd'hui, donc c'est quand même extrêmement précieux, oui. Et puis par rapport au producteur, au niveau argent, on en revient malheureusement aussi, voilà, tout ça, mais quand c'est le temps qu'il faut, tu nous disais, le temps qu'il faut pour faire un film, pour produire un film, parce que justement, Franck, je sais pas, c'est toi qui as fait donc L'Inventaire Fantôme, qui est un film qui est fait, bon, Franck a décidé de faire dans la complication, puisqu'il a fait un film d'abord réalisé en stop motion, donc avec des marionnettes, et ensuite retouché par ordinateur, chaque plan étant retouché par ordinateur. Tu penses que l'ordinateur... Je crois que ça y est, il est là l'ordinateur. Il est là en illustration depuis longtemps. Moi, je sais que j'ai l'illustration depuis très longtemps avec l'ordinateur, qui a remplacé l'acrylique, lui. Je ne veux pas dire en ça qu'il l'a remplacé définitivement, mais ça... Effectivement, sur le plan économique, même en illustration, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas à attendre que les plans sèchent, que les illustrations sèchent, que la peinture sèche, etc. Donc, mais dans le dessin animé, dans le film d'animation, l'ordinateur, ça y est, il est complètement installé. Même si ça ne se voit pas à l'écran. Puisque, effectivement, quand on voit le film de Sarah, on a plutôt tendance à penser à de la peinture sur verre, à des choses comme ça. Et on ne se doute pas qu'il y a, même si, effectivement, quand on connaît un peu aujourd'hui comment est-ce qu'on fabrique un film, on se doute bien qu'il y a un ordinateur quelque part, quoi. Mais je pense qu'il est installé, l'ordinateur. me semble. Alors, puisque tu as la parole, tu vas la garder. Ah oui. Donc, on va parler de toi maintenant. Tu étais à Annecy, de manière un peu particulière, cette année. C'était par rapport au concours de projet. Oui. Enfin, tu es un récidiviste, puisque tu étais déjà venu, l'inventaire, déjà au concours de projet. J'étais venu pour un concours de projet en 2019, déjà. C'est quoi le concours de projet? Alors, le concours de projet, c'est une initiative qui... je vais faire un peu de pub pour ce truc, parce que d'abord, j'en ai bénéficié deux fois. J'ai été primé deux fois. Et je trouve que c'est une très bonne initiative qui permet notamment à des gens qui débarquent complètement dans le monde de l'animation, qui ont envie de faire un film et qui ont un projet. Et justement, cette manifestation permet de se présenter sans complexe, je vais dire. On envoie son dossier, il y a un jury qui va retenir un certain nombre de projets, et éventuellement, on a un prix. Et moi, ça avait été mon cas en 99, alors que je connaissais absolument personne dans le monde de l'animation. J'avais envoyé mon projet et j'avais été primé par la SACD. J'ai eu le prix de la SACD à cette période et ça avait carrément fait avancer les choses. Oui, c'est ça, c'est vraiment un tremplin, un réel tremplin pour un film. Oui, et puis j'en parlais en plus avec cette année avec d'autres gens qui avaient été primés au concours de projet, et pour eux c'est la même chose. Je veux dire que c'est quand même une manifestation qui permet non seulement de donner sa chance à un projet d'exister, mais aussi de donner une crédibilité à son futur réalisateur. D'accord. Donc ça permet. Alors, c'est intéressant. Mais toi, tu fais l'inventaire fantôme, qui marche assez bien. Hein, t'as un prix à Annecy, etc. T'es obligé quand même de revenir. Pourquoi cette volonté d'un seul coup de revenir au concours de projet? Tu peux pas aller voir directement un producteur avec ton nouveau projet? Le producteur, déjà, dans l'absolu, moi j'en ai un, c'est Didier Brunner des Armateurs. Non, c'était l'idée de... D'abord, j'ai mis du temps avant de réécrire. Je voulais pas faire de nouveaux courts-métrages et en plus encore moins d'animation après l'inventaire fantôme. J'avais fait ça, moi je suis pas animateur. Et voilà, j'avais fait un truc que j'avais rêvé quand j'étais ado, et c'était très bien comme ça. Je suis fier de mon film, tout va bien. Mais il était temps de passer à autre chose. Et l'envie m'est venue de refaire un nouveau film d'animation. Et j'ai mis tellement de temps entre, la fin de l'inventaire fantôme. C'est vrai qu'il a eu une belle vie dans les festivals, il a eu des prix, une belle distribution aussi au niveau télévision. Comme j'ai mis du temps avant d'écrire le deuxième, le doute s'est installé. À savoir que le concours de projet, moi, ça m'a permis de voir si le nouveau projet intéressait ou pas. C'est pour ça que je te posais un peu la question. C'était de savoir si, en effet, c'était pas une manière de valider un projet. D'avoir des prix, c'était bien, mais de rencontrer aussi des gens et d'un seul coup de montrer, c'est pas toujours évident d'avoir une vision extérieure. Quelqu'un qui peut dire, oui, ton projet, il est intéressant, ou alors il tombe à plat, enfin, etc. Et absolument, d'avoir plusieurs visions des choses. Ouais. Moi, je crois que j'avais juste besoin de recommencer. Pas depuis le début, parce qu'il ne faut pas exagérer, j'ai fait l'inventaire fantôme, maintenant il y a quelques personnes dans le monde de l'animation qui me connaissent, quoi. Donc c'est pas comme en 99. Ceci étant dit, j'avais besoin d'un nouveau départ, de quelque chose de... Il a quel nouveau départ? C'était deux prix. Tu penses que l'inventaire, il fait quelque chose aussi? On voit ton nouveau projet, alors c'est difficile, gens apprécient l'inventaire. C'est difficile à dire, parce que le projet qui a été primé cette année est quand même très très très très différent de l'inventaire, comme j'avais aucune envie de refaire deux fois la même chose, tant graphiquement que sur le propos, qu'il aille beaucoup plus politique, beaucoup plus engagé, beaucoup plus énervé aussi. Je sais pas si l'inventaire. Moi, effectivement, on peut pas s'empêcher de penser que t'as fait l'inventaire, t'es connu, les gens l'ont aimé ou l'ont pas aimé, peu importe. Mais au moins, on te connaît. Donc, j'imagine que l'inventaire, il a été pour quelque chose, mais ça peut être aussi valide dans l'autre sens, à savoir que les gens qui n'ont pas aimé l'inventaire peuvent se dire c'est encore lui. Sauf que là, comme tu dis, on change complètement. Donc, le projet s'appelle Monsieur Coq. Tu nous en parles un petit peu? Pardon? Tu nous en parles un petit peu? Ah oui. Non, ça te... Non, bien sûr. Alors, c'est quoi? Graphiquement, c'est vrai que c'est très beau. Moi, j'ai vu le dossier graphique, est absolument magnifique. Ça change en effet un petit peu de l'inventaire quand même. Ça va être fait en quoi cette fois-ci? Alors, de l'histoire, alors la technique, ça va être principal, mais ça va être encore du gros bidouillage, parce que j'adore ça. Donc beaucoup de photos, de maquettes, de marionnettes, mais là, des photos, de volumes existants, conjuguées avec de la peinture numérique, et le tout animé sur le principe du papier découpé, que j'adore, que je trouve avec des accélérations très très cartoonesques. Donc on est quand même assez loin de l'Inventaire fantôme. Voilà. On a un sujet qui est un petit peu moins, entre guillemets, pas poétique. L'Inventaire fantôme était quand même une belle place quand même à la poésie, ou en tout cas à l'imagination du spectateur. Là, on est plus quand même dans... Tu peux nous raconter un peu l'histoire? Oui, l'histoire, c'est Monsieur Coq qui est un directeur en fait d'une usine d'obus, qui construit des obus, qui décide un jour de remplacer tous ses ouvriers par des machines, des automates très perfectionnés, et qui met tous ses ouvriers à la poubelle, mais au sens propre. Et voilà, et bien malheureusement pour Monsieur Coq, il y a l'un de ses ouvriers qui porte un foulard rouge, qui est le seul à ne pas être d'accord, et il va avoir de ses nouvelles. Voilà. On va le voir quand ? Alors, si tout se passe bien, on rentre en production en octobre, pour une production qui risque de durer entre 8 et 10 mois. Donc voilà, on le verra à la rentrée 2007. Quand on le fait, quand on fait un film comme ça, est-ce qu'on pense, parce qu'animation c'est bien, c'est difficile à montrer, on va en parler un petit peu tout à l'heure justement au niveau de la distribution, on pense de suite au Annecy qu'il va y avoir après ou pas du tout, par rapport au calendrier? Par rapport au calendrier, si, bien sûr. C'est sans doute pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que Annecy, c'est tellement... Annecy, comme il n'y a pas qu'Annecy, il y a Ottawa... Il y a deux, trois festivals quand même qui sont déterminants pour montrer son travail. Mais sincèrement, est-ce qu'on calcule pas, comme dans prise de vue réelle, on va calculer sur, on va dire, les trois grands festivals qui sont Cannes, Berlin et Venise. Est-ce qu'on calcule pas sur Annecy en disant, ça serait bien quand même de le terminer pour l'envoyer à la sélection vers novembre, si, avant même sûr. Ottawa, Sarah, je sais pas. Oui. Oui, bien sûr. Cela dit, moi, avant de faire Novecento, je connaissais pas bien le circuit des festivals et j'ai découvert d'autres festivals formidables, dont Ottawa, effectivement, qui est extrêmement efficace et très très beau festival. Mais c'est peut-être la force d'Annecy maintenant, c'est qu'Annecy est devenu ce qu'on essaie de voir, peut-être indispensable, gros. Voilà, le plus gros. C'est vraiment le plus gros. Et est-ce qu'on peut s'en passer vraiment? Est-ce qu'un film qui n'est pas présenté, si vous êtes tous les deux, vous avez vos films qui ont été présentés à Annecy, est-ce qu'un film qui n'est pas présenté à Annecy a autant de chance que les autres? Est-ce que vous avez une idée de ça? Je crois qu'il y a quand même des moyens de s'en sortir sans Annecy. Enfin, j'ose l'espérer, parce qu'on peut... Enfin, je pense qu'on ne peut pas avoir une sélection à coup sûr. On va demander, vous allez entendre de nouveau cette voix que vous avez entendue pendant des années. Annabelle, qui pendant des années, voilà, nous a présenté les news et qui revient, qui travaille maintenant comme distributrice chez Premium Film. Oui. Donc, qui achète un petit peu partout des films. Est-ce que toi, tu vas avoir plein de festivals, ou est-ce qu'Annecy, c'est vraiment... est-ce que tu penses vraiment qu'un film qui n'est pas passé à Annecy peut avoir une vraie carrière? Oui, franchement, sans problème. Ouais. Avant Annecy, j'ai fait Clermont, j'ai fait Anima, enfin, j'ai fait plein d'autres festivals dans lesquels on trouve plein de perles. Et voilà, c'est vrai, après, qu'en arrivant à Annecy, j'avais vu 80% des films d'accord. qui étaient sélectionnés. Hein. Donc, En fait, Annecy ne joue pas comme Cannes ou les autres festivals, peut-être son rôle d'avoir quasiment que l'inédit. Non, mais après, ça dépend aussi pourquoi on y va. Moi, j'y vais en tant que distributrice, donc je vais aussi chercher des nouveaux films pour mon catalogue. Voilà, quoi. Après, si on y va parce qu'on aime l'animation uniquement, enfin... C'est encore différent. Mais ça ne joue pas par rapport à ça. C'est vrai que ça ne l'a jamais fait. Parce qu'Annecy, je me fais l'avocat du diable, parce qu'Annecy, de toute façon, a toujours voulu être, aussi bien sur 2 ans que sur 1 an, le meilleur de l'année ou des 2 ans qui viennent s'écouler. Je trouve que cette année, ça ne se vérifie pas à 100%. On va en parler tout à l'heure quand tu vas nous dire. Juste, on va parler de deux choses. Est-ce que Franck, je sais que tu n'es pas resté longtemps, mais est-ce que tu as un coup de cœur, Sarah aussi? Je vais vous demander un coup de cœur et un coup de gueule, et juste après, on va parler pendant 2-3 minutes de Papy 3D, de l'aventure Papy 3D. On commence par qui, Sarah? Un coup de coup de cœur. Alors mon coup de cœur, bon bien sûr les deux films, grands films primés, mais pour ça je ne veux pas en parler parce qu'ils ont tellement eu de... Qui est donc quand même le Regina Pessoa, voilà. Histoire tragique avec fin heureuse qui a été multiprimée. Voilà. Et le Joanna Quinn. Effectivement, qui sont deux très très beaux films. Et il y a un film qui n'a rien eu et que je trouve magnifique, c'est Memoria dei Cani de Simone Massi. Que j'ai trouvé vraiment très très beau, très tarkovskien et peut-être assez proche de mon travail. Donc et puis bien sûr Fable de Daniel Souza. Qui est très beau aussi, ouais. Hein, Fable qui est très beau. Alors, mémoire de chien, je me rappelle. La mémoire des chiens. La mémoire des chiens a eu, et c'est Florentine que vous entendrez tout à l'heure, m'a fait remarquer ça en effet, a eu un prix à Zagreb. Un prix à Zagreb, ce qui est plutôt bien, parce qu'en effet, c'est un très beau film, ça a été aussi l'un des. L'année des coups de cœur de beaucoup de gens, parce qu'en effet, c'est un film assez surprenant. Donc, et un coup de gueule ? Ah, un coup de gueule, oui, si j'en ai un, c'est Cat's Tale. Oui. Bon, il y en a eu quelques autres, hein, mais je pense que c'est celui-là qui me vient à l'esprit. Alors, Cat's Tale, qui est sûrement l'un des plus horribles films qu'on ait vu depuis des années. J'aime pas dire ça, hein, normalement, on ne parle que des films qu'on aime ici. Mais Cat's Tale, c'est un film avec un chat violet sur une voiture qui se fait prendre la queue dans la voiture et qui passe dans un rouleau, à un moment donné la voiture va se laver ou quoi, et c'est d'un mauvais goût et d'une laideur comme je pense et quand je vois que à l'ombre du voile d'Arnaud de Muynck n'a pas été pris et que ce genre de film est passé, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça, vous allez entendre beaucoup ça en effet. Il y a le film de Florence Millaille aussi qui est quelqu'un de très intéressant, son film peut-être pas complètement réussi, mais c'est vrai qu'il apporte quelque chose à l'animation. Et Cat's Tale, mais on peut avoir des films rigolos, hein. Il y a plein de films rigolos qui sont pendant, je veux dire, il y a évidemment, durant ces longues années de festival, je veux dire, on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, parce qu'on parlera peut-être un petit peu d'Arthur de Pince, de la Révolution des Crabes, qui avait été un gros succès, qui était drôle et qui était intelligent. Il y en a plein. Mais c'est vrai que cette année, on a eu l'impression que les films drôles étaient assez stupides et pas très beaux. C'est assez étonnant qu'on puisse arriver à ce niveau-là. C'est assez révélateur aussi de l'époque dans laquelle on vit. Quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les comédies. Sinon, il faut vraiment faire le pitre et se mettre une plume dans le derrière maintenant. Mais je crois qu'on arrive même à ça dans l'animation. Ah, c'est comme dans le cinéma. C'est-à-dire que si c'est fait avec qualité, humour, finesse, c'est très bien. Lorsque ça commence à devenir un peu plus mal branlé, comme on dit, c'est désastreux. Enfin, perso, je trouve ça lamentable. C'est vrai que c'était assez terrible. Ah, Franck, t'as la parole, un coup de cœur. Coup de cœur. Dans tout ce que t'as vu à Annecy. Dans tout ce que j'ai vu, non, moi j'ai rien vu à Annecy, mais j'avais vu des films avant d'y aller. Bah oui, je suis passé que deux jours, même pas. Juste pour récupérer ses prix. Oui. Ce qui est bien. Le coup de cœur, c'est le film de notre chère Sarah, bien évidemment. C'est Novecento, je sais pas parce qu'elle est là, parce que, bien évidemment. C'est vrai que c'est un film qui me plaît, m'émeut énormément. Sinon, il y a Fable, que moi j'ai adoré, et puis le Grand Prix. Toujours l'origine épaisseur. Ouais. C'est vrai qu'on en revient un petit peu au même film, c'est vrai que les films marchent toujours puisque vous êtes tous les deux là, on a la chance, c'est évident que je vous ferai revenir rien que pour ça, parce que c'est une aventure assez folle, mais assez passionnante. Vous nous parlez un petit peu de Papy 3D, comment s'est née cette histoire de Papy 3D avant de nous dire pourquoi ce titre, pourquoi ce nom. Ah ben, c'est né par une blague, ça. Par une blague. C'est commencé comme ça, c'est ça, hein. Sur un forum, oui, sur un forum. Sur Foodanime, on peut le redire, comme ça. Oui, sur Foodanime, où il y a quelqu'un qui m'a dit... Tu te mets à la 3D, t'es un papy, ça va faire Papy 3D. Et je me suis dit, tiens, Papy 3D, comme Papy 3D Production, ça serait parfait pour le nom d'une boîte de prod. Comme effectivement, il y a beaucoup de gens plus jeunes que moi dans l'animation, bien que je sois pas non plus très vieux, mais. Non, pas tant que ça. mais voilà, je trouve ça drôle, absurde, décalé. Voilà. Et donc, il y a quand même une mamie 3D. Il y a une mamie 3D. Dans l'inventaire, qui a avancé. Mais c'est quoi cette volonté d'un seul coup de faire une boîte de prod? Vous êtes plusieurs réalisateurs. Il y a donc Franck, Sarah, il y a Gilles Cuvelier, qui a fait Chahut, Suki, qui vient de faire un film. Alors là, c'est lui, il a complètement autoproduit, qui s'appelle Reflet, qui est quelqu'un qui est très présent sur Internet. Qui réalise des séries comme Dick Spider, des choses très décalées, très drôles. Donc voilà, on s'est fédéré à quatre réalisateurs plus Richard qui est le mari de Sarah. On peut le dire, oui. Qui fait partie de l'aventure, ainsi que... ah, ça y est, j'ai oublié son... Oh. Les deux ont oublié le nom, c'est terrible. Jean-Michel Collet. Oh, bon. Jean-Michel Scandale, Collet qui a fait le son de Papy 3, de oh là là, de Novecento. Voilà, qui a et fait. Qui est, voilà, qui est un sound designer qui travaille beaucoup à Arte et qui est très très doué. Voilà. Voilà. Donc l'idée c'est de créer quelque chose qui vous permette d'être plus tranquille au niveau de la production, c'est ça? C'est-à-dire que là vous êtes au CNC, non, vous êtes officiellement. Ben, non, c'est... d'être plus ennuyé surtout, parce que quand on devient soi-même le producteur de ses propres films, on se rend très très vite compte que c'est une charge supplémentaire qui est assez considérable. Voilà, mais une plus grande liberté aussi, parce que c'est vrai que le court-métrage, très souvent dans les maisons de prod, est un petit peu traité par-dessus la jambe, parce que c'est pas rentable, et que. On se retrouve souvent devant des producteurs qui font pas le maximum pour promouvoir le film. Donc on s'est dit, voilà, tant qu'à faire le boulot, puisque de toute façon on le fait. Enfin, moi je parle pour ce qui est de ma propre expérience. Après, chacun a eu ses raisons d'adhérer à l'aventure, ne serait-ce que parce que c'était une belle aventure, voilà. Donc Oui, moi c'est plus mon cas, parce que ça s'était relativement bien passé avec les armateurs. Ouais. Et puis de toute façon, il y a des questions qu'on retravaille ensemble. Mais oui, moi j'avais envie absolument de... J'aime cette idée de se fédérer en tant qu'artiste. Bon, on s'estime, hein. On n'a pas pris comme ça un réalisateur au hasard dans la rue. On s'est rencontrés, et voilà, et l'idée est venue comme ça. Et oui, j'aime cette idée un peu de mettre ensemble nos énergies pour produire nos films. Voilà, ça va fonctionner un petit peu sur la base, le principe des artistes associés, dans le sens où chaque réalisateur sera le producteur exécutif de son propre film. Mmh. Voilà. Donc bah, vous viendrez de toute façon, parce que là évidemment on est... très court en temps, mais vous viendrez nous en parler un tout petit peu plus. Il y a Monsieur Coq, ce sera la première... Oui, c'est la première production, ouais, qui commence bien, puisqu'on a la chance donc d'avoir une coproduction préachat de Canal+. Grâce au concours de projet. Donc, grâce au concours de projet, et parallèlement, le film a eu le CNC du premier coup, donc c'est pour ça que je peux, avec une certaine assurance, dire que le film rentre en production cet automne. Parfait. Donc ouais. On compète avec un peu de chance. Pardon ? En compétition avec un peu de chance. À Annecy, c'est ce qu'on espère. Sarah, il y a un autre film, oui, un nouveau préparation projet qui s'appellera sans doute, je ne suis pas encore très sûre, mais l'autoportrait au radiateur, ou simplement l'autoportrait, enfin je vais voir, et voilà, qui sera tout à fait différent de Novecento. Bon, bah, j'espère que vous viendrez nous en parler avec l'aventure Papy 3D. On va écouter maintenant une distributrice pour passer au côté un petit peu plus économique, on va dire, de l'animation, c'est important. On va écouter Emmanuel Chevalier, qui est des films du Préau. Vous allez entendre en première partie, avec nous parler, ça c'est l'un des gros questionnements à chaque fois, des gros problèmes d'Annecy. Elle a fait la sélection des longs métrages, on en reparlera peut-être un petit peu après avec Franck Ring pour l'embêter sur la sélection des films étudiants, j'en veux toujours, donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais on fera ça, et vous allez entendre après par rapport à la distribution, qu'est-ce qu'elle attend d'un film, d'un festival comme Annecy. On écoute donc Emmanuel Chevalier, juste. Je suis désolé, elle était au Festival de La Rochelle, vous allez entendre un petit peu de vent, j'ai dû couper même avant la fin, donc j'espère que ça va être quand même audible. On écoute. Et, Emmanuel, bonjour, ça a été une année particulière pour toi, Annecy, puisqu'en fait, tu as fait partie à la fois du comité de sélection, et bon, tu es venu évidemment pour les films du Préau. Ah ouais. Juste, comment ça se passe, le comité de sélection? Bon, en fait, on nous demande de venir pendant l'hiver. Donc là, pour les longs métrages, on est venu à Annecy pendant à peu près un mois. Et donc là, on fait que visionner toute la journée, du matin au soir. Donc on a une petite pièce avec des petits canapés devant une télé. Et voilà. Et là, on a vu à peu près 17 longs métrages qui nous ont été proposés pour la sélection pour le festival de cette année. Ok. C'est les films qui sont en fait proposés. Hein. C'est pas les films que le festival va chercher. Tu sais, ça, c'est. Bah ça, comment nous, ça j'avoue qu'on sait pas forcément trop. Nous, voilà, le festival, on propose au comité de sélection de voir tous ces films-là. Bon, après, nous, on n'a pas... Enfin, on s'occupe pas tellement de savoir si c'est eux qui ont demandé. Enfin, je pense qu'il y a un petit peu les deux. Ils sont à la fois en chercher, à la fois on leur en propose. D'accord. Et cette année, il y avait quoi? Plus de films européens, japonais, américains? C'est quoi, là? Il y avait une grande proportion de films japonais, en fait. Hein. D'accord. Et donc, effectivement, là... Du coup, la sélection dans ce qu'on a pris deux films japonais, mais du coup, c'était assez représentatif du nombre de films japonais qu'on nous a présentés sur les 17. Je crois qu'il y en avait au moins 5 ou 6 films japonais. D'accord. Et donc, quoi, Japon, film français aussi un petit peu, parce qu'il y avait Astérix, au moins Renaissance, puisqu'ils sont dans le... Voilà. Okay. Voilà, voilà. Il y avait, oui, essentiellement donc films français, japonais. Ça remonte presque à moi maintenant. c'est une colle. C'est juste c'était pour... une colle, ouais. C'est juste pour colle. Savoir un peu. Non, mais, voilà, films anglais. Mais bon, quand même majoritairement des films que où on avait déjà, enfin, qui étaient déjà sortis en salle. En d'accord. Fait, bon, voilà. Ouais, il n'y avait pas de, forcément de grosses surprises ou de films qui y avait, étaient... Ouais, il n'y avait pas de grandes découvertes. De grandes découvertes, d'accord. Par curiosité, tu es content du palmarès de Renaissance? Oui. Franchement, quand j'ai vu ce film-là, c'est un film qui m'a... J'étais bluffée. Franchement, je connaissais pas du tout le projet. Je connaissais pas... Et c'est vrai que quand je l'ai vu donc, pour la première fois cet hiver à Annecy, j'étais assez bluffée. Donc je trouve que... voilà, par rapport à tous les films qui avaient été retenus, méritaient franchement d'avoir le prix. D'accord. Et donc, toi, en tant que distributrice, là, on va passer plutôt au film du préau. T'attends quoi d'un festival comme Annecy? Est-ce que tu penses que c'est... Tu fais beaucoup de festivals un peu partout. Est-ce que tu penses que c'est un festival... Maintenant qui est devenu important, on le sait ça, mais qui est devenu obligatoire. Parce que... c'est vrai que c'est vraiment un lieu de rencontre entre vraiment les gens qui travaillent dans l'animation, donc au niveau international tous les ans, c'est vrai que c'est un peu un rendez-vous, on sait qu'on va voir telle personne, donc chacun parle un peu de ses projets, donc ça c'est bien comme rendez-vous un peu annuel, et puis il y a quand même beaucoup de films à voir, il y a quand même beaucoup de choses à voir, donc c'est vrai qu'on va un peu faire notre marché là, aussi. Oui, voilà, c'est donc, ça. Voilà, on essaie vraiment d'en voir le maximum, pas forcément des films qui sont dans la compétition, enfin aussi, mais aussi des films qui sont au marché, qu'on peut visionner au marché, etc. Donc oui, c'est vraiment un endroit voilà, où on est sûr de pouvoir voir vraiment beaucoup de choses. Par exemple, des films comme France et Le Chef d'Orchestre. Le Chef d'Orchestre, vous l'avez vu pour la première fois à Annecy ou vous l'avez exactement. Déjà vu avant? Ouais. Non, on ne l'avait pas vu là. C'était vraiment une vraie découverte l'année dernière. Donc c'est vrai qu'on avait vu dans le catalogue ce film qui pouvait nous intéresser, en tout cas comme ça sur le papier. Et c'est vrai qu'on l'a vu, tout de suite on a été rencontrer le réalisateur et ça s'est fait très très vite en fait. Parce que c'est un film, c'était vraiment un coup de cœur de l'année dernière. France, le chef d'orchestre. Ouais. Ça se fait vite les négociations dans le monde de l'animation, les gens sont... Sauf s'il n'y a pas de règle générale. Là, c'est vrai que... Voilà, on a vu le film, le lendemain, on voyait les réalisateurs qui, du coup, étaient aussi les producteurs, etc. Donc, c'est vrai que ça simplifiait beaucoup les choses. Donc, il n'y avait pas d'intermédiaire, donc on les a vus, on s'est mis d'accord, on leur a montré notre travail. Et voilà, donc là, effectivement, en deux jours, on s'était mis d'accord sur à peu près tout, quoi. D'accord. Donc là, ça a été vite, ouais. Mais c'est pas toujours comme ça, malheureusement. Hein, ça peut prendre aussi des années, donc ça dépend vraiment du cas par cas, et comment s'entament les négociations. D'accord. Un coup de cœur, et peut-être un coup de gueule, comme tu veux, enfin, un coup de cœur sûr, et si t'as un coup de gueule pendant du festival, quelque chose que t'as pas aimé, quelque chose que t'as aimé. Un coup de cœur, en tout cas par rapport au film du Préau, c'est que moi j'ai vraiment vu, c'est assez rare en compétition, mais j'ai vu plusieurs courts-métrages qui peuvent être bien pour des enfants. D'accord. Donc il y a deux trois courts-métrages qu'on aimerait bien éventuellement distribuer en salle après. Non, je crois qu'il n'y a pas trop, c'était un peu rendez-vous, il faisait même beau cette année. Non, je trouvais que franchement c'était une belle édition, et puis c'était bien aussi du coup de voir un peu l'autre côté des choses, voir l'avant-festival, rencontrer toutes les équipes du festival d'Annecy et tout ça, donc c'était une expérience nouvelle et c'est bien, je veux bien renouveler. Donc voilà, c'est toujours Bulle de Rêve, on parle du festival d'Annecy 2006 avec une table ronde avec plein de gens, différents réalisateurs, producteurs, distributeurs. On vient d'écouter Emmanuelle Chevalier qui est distributrice au film du Préau. J'ai dû couper parce que vous entendez, il y a beaucoup de vent, j'ai coupé un petit peu. Je voulais quand même dire que les films du Préau sortent un programme qui s'appelle Monsieur et Monsieur de trois films de Bratislav Poyar, un grand monsieur d'animation tchèque, marionnette. Ça va être vraiment pour les petits, on en reparlera à la rentrée, ce sera à la rentrée. Donc voilà, ça va être un... à mon avis très intéressant, on en reparlera. Vous avez entendu, elle a parlé de quelque chose qui moi me passionne toujours, c'est la rencontre, on en parlait un petit peu hors micro, c'était les rencontres et les gens qui connaissent à Annecy, en effet on font plein de rencontres parce qu'ils savent qui sont qui, et Annabelle va nous en parler dans deux minutes, mais c'est vrai qu'on se disait quand même que ça manquait d'un lieu un petit peu convivial où il est. Franck me fait des grands gestes, donc il va peut-être pouvoir parler juste pour finir à un lieu convivial à Annecy, où d'un seul coup on parle de. Les gens peuvent se rencontrer. C'est un peu ce qui se fait avec le pique-nique de Food Anime, c'est ce qui fait avec le pique-nique de l'AFCA et la fête du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus des gens. Seuls qui viennent et qui d'un seul coup vont présenter les gens les uns aux autres, et c'est un petit peu de la débrouille. C'est dommage qu'on puisse pas faire des vraies rencontres. Franck, je faisais des grands signes, mais c'est à vous, oui, absolument. Je pense. À Ottawa, il y a un pique-nique organisé par le festival où on sculpte une citrouille parce qu'on est près d'Halloween, et là c'est vraiment le moment de détente absolue où tout le monde peut se parler de façon très simple. Oui, et puis c'est intéressant de rencontrer les autres réalisateurs. Voilà, alors, c'est formidable. Comme on disait, Michel Lagarde qui est présent, qui est agent d'illustrateur, qui nous parlait tout à l'heure, disait que c'était. On les connaissait pas forcément et que lui était obligé de les courser, c'est ça un petit peu presque de voir en fait la tête qu'ils avaient à la quand ils vont sur scène comme ça et de. Les courser, c'est pas vraiment le mot, parce qu'en sortant il y a beaucoup de monde, donc le rythme de la sortie est assez lent, donc même en marchant raisonnablement on peut arriver à les rattraper, mais il faut juste les repérer dans la foule. Donc un lieu serait pas mal en fait, un lieu de. Oui, effectivement, sentiment que qu'Annecy n'est pas fait pour que les gens puissent se rencontrer, enfin en tout cas de manière un petit peu organisée. C'est aussi un peu la débrouille de tous les instants pour arriver à rencontrer les bonnes personnes. Sauf quand on connaît déjà le monde de l'animation un petit peu depuis pas mal de temps. Met le micro devant elle, comme ça elle va pouvoir nous parler. Je peux parler. Voilà, vous allez de nouveau entendre parler à Annabelle. Annabelle, donc, qui travaille maintenant pour Premium Film. C'est quoi Premium Film ? Alors, Premium Film, c'est une société de distribution. On est spécialisé en distribution de courts-métrages. Et voilà, moi je m'occupe en fait du département cinéma d'animation. Wow. Voilà. Donc vous avez plein de belles choses, c'est bon, ça ? Plein de belles choses, ouais. Il y a quoi comme réalisateurs qui sont Il y a Franck, par exemple. avec comme par hasard. On a pas mal de films de métronomique. Donc La Révolution des Crabes. Voilà. Pince. On a des films... Il y a vraiment de tout, hein, aussi bien des films d'école. On travaille avec pas mal d'écoles, notamment Super Infocom, Les A et Mille Calls, mais aussi... En fait, vous avez fait des contrats, enfin, il y a des liens, c'est ça ? Vous prenez tous les films de Alors, l'école, ça dépend, vous les choisissez ? Ouais, ça dépend des écoles. Hein. Il y a des écoles qui, voilà, c'est le deal, on doit prendre toute la promotion. C'est le cas, par exemple, avec Supinfocom, même s'il y a des films qui sont faibles, très faibles. Et puis d'autres où on a le droit de, enfin, où j'ai le droit de faire ma propre sélection, où c'est même le directeur de l'école qui fait une sélection à la base. Et toi, en tant que distributrice, comme ça, on entendait Emmanuel qui nous parlait à l'instant de rencontres, comme je disais, et puis mais nous parlait aussi de rencontres avec des films. L'année dernière, c'était pour eux, c'était Franz et le chef d'orchestre, qui était passé en sélection long-métrage, qu'ils avaient acheté de suite, pendant le festival. Comment ça se passe ? Tu regardes, toi, qu'est-ce que t'attends d'Annecy ? Justement, des coups de cœur, tu nous avons que 80%, tu les avais déjà vus, donc finalement... Ouais, j'y vais pour deux choses. Donc, pour voir des films, évidemment, pour trouver de nouvelles choses pour le catalogue, et puis des choses aussi... Bon, alors déjà pour mon plaisir personnel, qui ne correspond pas forcément avec les attentes des chaînes de télévision avec lesquelles je travaille, il faut bien l'avouer. Donc voilà, j'y vais aussi pour repérer des films qui pourraient plaire aux gens avec qui je travaille. Et la deuxième partie, bah, c'est plus le MIFA, donc le marché du film, pour rencontrer les acheteurs des différentes chaînes de télévision, des nouveaux acheteurs aussi, les producteurs... Voilà, ça c'est le côté un peu plus commercial. Et donc tu te dédoubles ? Vous êtes trois en fait ? Non, la passion, il y a toi qui Alors, regarde un film bien. Et qui se dit « je peux pas l'acheter ». Ce qui est très bien au MIFA, c'est qu'ils ont mis à disposition des postes sur lesquels on peut voir tous les films. Donc les films en compétition, sans panorama, mais aussi tous les films qui n'ont pas du tout été sélectionnés. Donc c'est vrai que en étant MIFA et en faisant donc tous les rendez-vous, courir dans tous les sens le business quoi, il y a aussi moyen entre deux rendez-vous d'aller rattraper son retard en visionnant des films dans cet espace. Ça c'est plutôt pas mal. Et donc t'as vu des choses coup de cœur cette année, t'as vu à Annecy même ou des choses peut-être que t'avais déjà vu avant ? Ouais, il y a un film mais que j'avais déjà vu à Clermont-Ferrand qui s'appelle Never Like the First Time. Un film suédois un peu documentaire que j'avais beaucoup aimé. Après, vraiment, sur Annecy, spécifiquement, non, j'ai pas eu le coup de cœur, enfin, le truc, voilà, comme ça peut être pour La Révolution des Crabes ou même L'Inventeur Fantôme, le film où on se dit qui ça. Me plaît, et en plus, et je en sais plus, que, voilà, quoi, tout le monde va être d'accord, il n'y a pas de souci. Parce que c'est quoi aujourd'hui le... Là, on entend Emmanuel Chevalier, donc les films du Préau, elles font plutôt les sorties sales et DVD. Elles ont fait récemment un deal avec Arte, notamment pour sortir leur film en DVD avec Arte. Toi, c'est quoi? C'est uniquement la télé? Non, c'est large. Hein. On peut s'occuper même de l'inscription au festival. Mais, donc, c'est vrai que principalement, c'est les chaînes de télévision. La vente télé, donc en France et à l'international. Et puis aussi, on fait du DVD. Et puis, on travaille aussi sur tous les nouveaux réseaux de diffusion, comme tout ce qui est vidéo à la demande, diffusion sur téléphone mobile avec les nouveaux portables 3G. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui se développent. Juste, vous avez peut-être entendu, on a fermé. Je pense que ça va être la manifestation qui est suffisamment importante pour qu'on en parle. C'est pas la manifestation anti-loi Sarkozy, Michel va... Ou peut-être il y a un match, je crois, ce soir. Je crois que, non. La couleur des maillots, c'est plus des maillots verts et jaunes que Sarkozy. Non, je crois qu'il y a quelqu'un... Il y a une parade, en fait, je ne sais pas si c'est la manifestation ou s'il y a une parade, mais il y a plein de chars. Hein. Bon, en tout cas, beaucoup plus intéressant, il y avait donc une manifestation aujourd'hui, je ne sais plus d'où elle partait, hein, mais contre la loi Sarkozy. Donc, si c'est en effet une parade brésilienne, on peut fermer la porte et ne pas l'écouter. Si elle était française, j'aurais dit la même chose. Hein, c'est vraiment pas... Du moins que c'est du foot. On va parler animation, c'est plus intéressant. Ensuite, oui, donc vraiment, la vente, là, aujourd'hui, toi, c'est ça. C'est aussi bien, tu nous disais, 3G, aujourd'hui, c'est les mobiles, choses comme ça. On peut voir L'Inventaire Fantôme sur notre portable. Sûrement pas. Non, enfin, voilà. Il y en a qui sont... Ah, voilà, attention. Il y en a qui sont vraiment complètement contre ce genre de diffusion. Je pense que... Bon, c'est clair que la taille de l'écran, voilà, c'est pas... C'est non ça plus le problème, L'Inventaire, d'un seul coup, voilà. Non, un détail. Moi, je rigole. Et après... Je plaisante, parce que si ça peut me rapporter des ronds, je suis tout à fait... Après, voilà, il y en a plein aussi, c'est par rapport à l'image super commerciale aussi que peut avoir Orange, mais ça fonctionne super bien. En tout cas, tous les films d'animation qui sont visibles sur ce type de support, ça cartonne. Tout style, aussi bien comédie que... Après, c'est vrai que donc nous, on travaille avec Orange, mais voilà, il faut quand même que le film soit... un minimum adapté à la taille de l'écran, quoi. Si c'est un truc avec vraiment trop de détails, etc., ça passera pas bien. Mais les gens sont vraiment en demande, sont assez friands de ça, quoi. Ça fonctionne bien. Et les télés, qu'est-ce qu'elles demandent, les télés? On a l'impression tellement pas voir d'anime sur la télé, sauf... À 2h du matin. Voilà, sauf à 2h du matin. Arte a été acheté. Novecento a été acheté. Il est passé plusieurs fois ces deux dernières années sur Arte. Voilà, c'est ça. Donc, il y a de temps à autre Novecento. L'Inventaire avait été acheté, était montré... Partout. Franchement partout. Oui, mais sur les télés françaises sur les... Non, en France, il y a eu beaucoup de TPS, mais pas du tout les chaînes hertziennes. Mais TPS, c'est ça, pas les chaînes hertziennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chaînes hertziennes, il y a quoi? Il y a Canal qui fait de moins en moins. Il y a Arte, France 2, mais c'est peu, et France 3, de temps en temps. Enfin, là, ils vont monter une grosse émission autour de l'animation. Mais c'est rare. Ils achètent peu de courts-métrages en général. Faut dire, ils payent tellement cher que voilà quoi, c'est aussi limité, je pense. C'est vrai. Ouais, les prix sont chers aujourd'hui d'acheter. Ouais. Franchement, en France, ouais, c'est ceux qui payent le mieux, pour pas donner de nom, c'est quand même France 2 et. Enfin, c'est assez fou ce qu'ils sont capables de débourser pour des choses qu'on peut citer à ça le matin. Ouais, ouais, en plus, parce que finalement, c'est ça qui est fou, c'est que court-circuit, parce que bon, court-circuit passe déjà 1h du matin sur Arte, mais histoire courte, par exemple, France 2 ou France 3, oui, ça passe ça tard, à des heures impossibles. Ouais. Malheureusement, très tard. Oui, ouais, donc ils payent une fortune pour finalement les montrer tout à 2h. Mais et à l'étranger, ça fonctionne aussi bien. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de chaînes qui ont vraiment des émissions de courts-métrages qui peuvent même passer à 20h45. D'accord. Et c'est nous qui sommes un peu retardés, quoi. Ouais, on est un petit peu retardés, ouais. D'accord, ça m'étonne pas. Donc, là, qu'est-ce que tu as vu cette année comme vraiment qui t'a semblé, enfin, quel coup de cœur t'as pu avoir par rapport à... C'est vrai, est-ce que déjà, il y a des films que t'as achetés, comme je demandais tout à l'heure, J'achète pas les films, en fait. Enfin, des choses qui sont en distribution, voilà, c'est ça, ouais. Bah, j'ai pris, par exemple, La Sacoche perdue, de Gréco et Buffin, que voilà, j'ai adoré. Donc je l'ai pris. J'ai pris Pistache là cette année aussi. Ouais. Voilà, après c'est très des films bon qui ne sont, de sont pas faciles à vendre. Ça c'est évident, mais voilà, c'est des films que j'ai envie de défendre. Et les films français, excuse-moi, les films français que tu achètes, tu les vends dans le monde entier, tu as les droits, enfin, tu as la possibilité d'avoir les droits pour le monde entier ou... Oui, j'ai la possibilité d'avoir les droits pour le monde entier. Et d'ailleurs, j'obtiens plus facilement les droits pour l'étranger que les droits pour la France. Il y a pas mal de producteurs qui ont déjà leurs contacts en France, d'accord, comme effectivement les armateurs, etc., qui connaissent des gens à Canal ou à Arte, donc qui font eux-mêmes la distribution sur la France, mais qui vont avoir besoin d'un distributeur qui a un carnet d'adresse à l'étranger pour faire la distribution à l'étranger. Bon, et là, Annabelle, fan d'animation, loin de premium, qui n'a aucun calcul économique, qu'est-ce qu'elle a adoré cette année à Annecy? Qu'est-ce qu'il fallait absolument voir pour toi, Annecy? Moi, j'ai adoré un film qui s'est fait siffler. Ça m'a fait mal au cœur, mais horrible. Un film canadien, je me souviens plus du titre. Un, deux, trois, qui est plus qu'il voilà. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Je suis à 300%, et le réalisateur s'est fait huer à la fin, et ça m'a brisé le cœur, quoi. C'était mon coup de cœur, j'ai bien aimé. Parfois, ouais. Je crois qu'ils côtoient beaucoup d'étudiants et je crois qu'ils ne se rendent vraiment pas compte de l'impact que peut avoir ce type de réaction. C'est une grossièreté. C'était quand même un travail. Florentine, puisque tu es étudiante, puisqu'on met les étudiants à ton avis. C'est un de trois crépuscules. C'est les étudiants qui. Oui. C'est vrai que c'est un problème à Annecy aujourd'hui. Il y a de plus en plus de monde. Moi, donc c'était mon premier festival et effectivement j'étais assez déçue de l'ambiance dans la grande salle sur certains films qui effectivement se sont fait huer et siffler. Et c'est un peu dur parce que le réalisateur effectivement est appelé après sur scène. Et là, on a quelques timides applaudissements et ceux qui ont aimé se sentent un peu mal. Mais c'est-à-dire qu'on vous... Est-ce que dans les facs, on vous montre pas finalement, enfin dans, là où vous étudiez, Sarah par rapport à l'ANSES, je sais pas, est-ce qu'on vous montre pas des films justement pour que ces films peut-être un peu plus complexes ou un peu plus, vous soyez pas. Je sais pas si c'est des politiques d'école ou je sais pas exactement. Moi, j'ai vu, enfin avant d'aller à Annecy, même si c'est mon premier Annecy, j'ai quand même vu pas mal de choses. J'allais aux animathèques, etc. Donc je suis habituée peut-être à voir des films un peu plus durs. Je sais que j'ai été voir. Le film des frères Kay qui a été diffusé In Absentia, qui lui aussi s'est fait siffler et huer. C'est des réactions assez étranges. Après, je sais pas si c'est vraiment si les écoles, quand elles sont ensemble, ont une sorte d'effet de groupe assez malsain, je sais pas. On va en parler juste après, on parlera des écoles avec Sébastien Lodenbach notamment. Annabelle, donc ça c'était le coup de cœur. Le coup de gueule, ce qui t'a vraiment... Le coup de gueule, ouais. Et coup de cœur et coup de gueule, quoi, les deux. Les deux, en fait, en même temps, c'est ces réactions qui sont toujours insupportables. Ouais, je trouvais ça dur. Genre, ouais. Je comprends. Moi aussi, en plus, c'est un film que j'aime énormément. Donc je comprends tout à fait. Alors, on va passer à quelqu'un de complètement différent, et je voulais absolument qu'il soit là, parce qu'il n'est pas complètement dans le monde de l'anime, mais il y arrive petit à petit, il va nous en parler. C'est Michel Lagarde, bonjour. Bonjour. Qui est à la base agent d'illustrateur, je ne me trompe pas. Oui, enfin, j'ai deux activités. Mon activité principale, effectivement, est tournée vers la représentation des illustrateurs, dont certains font également de l'animation. C'est ça, parce qu'on en parlait un tout petit peu, Franck en parlait un petit peu tout à l'heure par rapport à l'illustration. En effet, beaucoup, et donc, entre autres, on parlait d'Arthur de Pince, puisque tu es agent d'Arthur de Pince. C'est vrai que beaucoup d'animateurs sont obligés de gagner, on va dire, de l'argent, obligé, c'est peut-être même un plaisir, mais par l'illustration plutôt que non, par l'animation. Non, en fait, pour certains, l'illustration est leur vrai métier, et l'animation une passion. Donc, je ne pense pas que l'illustration soit uniquement une activité commerciale. Mais quand je pense à quelqu'un comme Arthur de Pince, il se définit d'abord comme illustrateur. Et il est effectivement, dans le cadre d'Annecy, principalement connu et apprécié pour ses réalisations et moins connu pour son travail d'illustrateur, mais dans le milieu qui est le mien, qui est celui plus de l'édition, la publicité, Arthur est surtout connu comme illustrateur. Et d'ailleurs, c'était une star. Hein. Il n'y a pas beaucoup de stars dans l'animation. Cette année, il y avait donc le vieillissant, je suis désolé, Monsieur Plinton, mais il commence à vieillir un tout petit peu, qui était là. Et donc, il y avait ces grandes tablées, enfin, avec Bill Plinton d'un côté et Arthur de Pince de l'autre, qui dédicaçait en effet leur BD. Et, on a mais senti il vraiment... faut des stars pour toutes les tranches d'âge. C'est vrai qu'Arthur un certain succès auprès des étudiantes en illustration et Bill Plinton aussi, mais dans d'autres promotions. Ah oui, Bill, c'est se défendait très très bien il y a même pas 10 ans encore avec les étudiantes. Hein. Passons à autre chose de plus intéressant. Qu'est-ce qu'un agent comme toi vient faire à Annecy? Qu'est-ce qu'il recherche en venant à Annecy? Bah, tout d'abord, je cherche à passer un bon séjour à Annecy et de voir des films qui vont me plaire. Et la cerise sur le gâteau, c'est si je vois un film qui pourrait éventuellement être présenté sur un de mes sites, puisqu'en fait, j'ai créé un département plutôt lié à l'animation, mais à destination toujours des agences de publicité, de présenter donc des films de création qui puissent trouver une résonance par rapport à des films de commande. Donc Annecy est un bon endroit pour voir des films qui puissent peut-être intéresser aussi des publicitaires qui n'ont pas forcément une culture liée au cinéma d'animation. Donc ça s'appelle comment ? Donc ça s'appelle Les Animes, et bon, il y a un site qui s'appelle lesanimes.com qui vient de démarrer, qui présente quelques petits films, dont ceux d'Arthur Depince et de quelques autres. Voilà. Et donc l'idée, c'est que d'un seul coup, des publicitaires peuvent dire... Moi, voilà, ça m'intéresse, ce graphisme-là m'intéresse. Bah, en fait, la pub, comme tout le monde le sait, c'est l'art du recyclage. Donc, l'idée, c'est de trouver des films avec déjà une bonne idée. Et si quelqu'un peut avoir la bonne idée de dire « Ah, mais tiens, ça pourrait aussi marcher pour telle ou telle marque », eh ben voilà, c'est une bonne opération pour la personne qui a déjà fait son film et qui peut le recycler ou permettre de créer un deuxième film dont l'idée ne sera pas forcément loin du premier. Parce qu'il ne faut pas non plus compter sur une imagination débordante. On peut arriver à vendre quelque chose à partir du moment où c'est déjà presque préexistant. Ouais. Les gens, les publicitaires, enfin, les gens qui sont en face, veulent pas trop de... Non, mais bon, si on prend la révolution des crabes, effectivement, mais il y a peu de publicité pour acheter des boîtes de crabes, mais voilà, il y a des thèmes plus porteurs, des films plus porteurs, mais c'est un petit peu mon idée de départ avec ce département animation. Donc, il y a qui pour l'instant dans les animes comme créateurs? Il y en a 5-6, on parlait tout à l'heure de Métronomique, donc on montre également quelques films de Métronomique. Et en fait, et du génial Luz Briceño, il y a des choses, non? Non, pas encore. Mais bon, il y a notamment là, tout récemment, j'ai découvert le travail d'un réalisateur belge qui s'appelle Sergio Honorez. Il y a des petits films d'animation très drôles, donc voilà, je fonctionne un peu au coup de cœur et il n'y a pas vraiment d'enjeu économique pour l'instant puisque mon activité principale étant l'illustration, donc là je me fais plaisir sur l'animation, mais enfin il nous arrive quand même d'avoir quelques commandes et ça peut donner des idées en fait. Toi qui es un peu dans le... parce que moi je connais assez mal, toi qui es un peu dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu as pensé? Tu as été voir la séance spécifique de pub? Ou pas, oui, j'ai vu une des deux séances de clips. Je trouve qu'il y avait des jolies choses. J'ai regretté d'en voir qu'une sur les deux, mais enfin, c'est pas toujours facile à Annecy de faire tout ce qu'on a prévu de faire. Mais oui, les films de commande étaient une des sections qui m'intéressait. J'ai vu pas mal de panoramas de films en sélection. Il y a une chose qui m'a un petit peu surpris, c'est le pourcentage de films totalement ennuyeux et rébarbatifs. Et une des questions que je me pose souvent, c'est comment on peut investir autant de temps et de passion sur des films. J'en ai pas un, Spartak Diantène, mais qui sont aussi ennuyeux et qui font pas parfois des punitions totales pour les gens qui les regardent, et c'est parfois très surprenant. Cette année, il m'a semblé, en tout cas dans la sélection officielle, qu'il y avait énormément de films très ennuyeux et dont je me demandais vraiment comment ils avaient pu même être sélectionnés. Mais on entendait, est-ce que c'est pas ça aussi à Annecy? On en entendait Nathalie au tout début de la journaliste qui disait qu'elle, ce qui l'intéressait, c'est justement la diversité finalement qu'on pouvait trouver à Annecy, et c'est vrai qu'on peut voir... On a été dur, on est dur, c'est vrai qu'on est entre nous, là, peut-être qu'on a une certaine vision du cinéma avec, par exemple, un film comme Castel. Moi, j'étais toujours surpris l'année dernière de voir, en effet, des films que moi, j'aime pas du tout. Donc, évidemment, j'ai oublié le nom, qui sont des grosses boîtes prod et qui sont hyper bien faits, qui sont juste drôles, qui sont avec un homme des cavernes, je me rappelle, avec sa femme, enfin, bon, qui est pas drôle du tout, et qui cartonnent, qui ont des prix dans d'autres festivals. Moi, je comprends pas. Est-ce que c'est pas ça aussi l'idée? C'est de montrer, en effet, 1, 2, 3 Crépuscule. Et de montrer, peut-être pourquoi pas. La petite fille aux allumettes de Disney, que j'ai trouvé absolument insupportable. Oui. Hein, voilà, mais après tout, pourquoi pas? C'est la diversité aussi du cinéma d'animation. Non, ma réflexion, c'était juste de dire il y a 5 sélections. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, s'il y a toujours 5 sélections, mais s'il y a de quoi remplir 3 sélections, pourquoi en montrer 5 et pourquoi. Peut-être se forcer à mettre des films qui ne sont pas bons et qui ne sont pas forcément dignes de rentrer en sélection. Et comme tu disais tout à l'heure, y a peut-être des films importants qui eux sont complètement là. C'est, je suis toujours étonné que des professionnels puissent laisser passer des choses importantes et dans le sens inverse mettre des films totalement indigeste. Franck, qui a fait la sélection des films étudiants, qui a certes fait quelques petites erreurs, mais qui a fait une sélection Non, je trouve correct. Que justement, il y a deux ans, moi, j'estime avoir fait aucune erreur, puisque mon boulot, moi qui n'y connais absolument rien en animation finalement, qui ne suis pas un spécialiste de la chose, on m'avait dit, c'est la réponse que j'avais faite lorsqu'on m'avait proposé le... Et moi j'avais dit, bah écoutez, je veux bien à condition que j'y aille au coup de cœur. Et c'est exactement la raison pour laquelle on m'a appelé. Et une fois la sélection faite, moi j'en étais plutôt content. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous dire, c'est quoi ces horribles trucs, pourquoi est-ce que t'as pas pris machin, bidule. Ouais, c'est tellement une question du jury, c'est l'éternelle question. Dans l'absolu, je trouve ridicule de faire de la compétition avec des œuvres artistiques. On n'est pas là, on n'est pas aux Jeux Olympiques, on n'est pas à la finale de football. Mais il faut reconnaître que lorsqu'on a un prix, lorsqu'on a fait un film, ça compte. Voilà. Là, en l'occurrence, je ne parlais pas des sélections de films étudiants que je n'ai malheureusement pas vues, mais de la sélection officielle, ce qui est plus embêtant. C'est vrai que c'est un débat, malheureusement, qui est toujours un petit peu complexe. Et moi, je râle souvent en disant que je pense qu'il serait intéressant d'avoir plutôt, même à la rigueur, des, entre guillemets, des historiens ou des gens. On entendra Olivier Catherin de l'AFCA juste un peu après, parce que lui a fait Zagreb, nous dire justement qu'il y a peut-être des films qu'on peut considérer quand même moins bons ou moins intéressants, mais qui sont importants dans le monde de l'animation, qu'un Florence Millaille, par exemple, soit pas cette année en compète, alors qu'on sait, et en tout cas ça, son chemin en tout cas est intéressant, dans quelqu'un qui fait que de la peinture animée jusque-là et qui se met à l'ordinateur, donc il y a des choses à montrer. C'est vrai que ça reste un des grands débats, je pense, qu'on a dans les festivals, et notamment Annecy. Le temps presse, donc un coup de cœur, qu'est-ce que tu as vu? Il y a un film qui m'a bien plu, qui n'a rien rapporté comme prix, un film d'une anglaise qui s'appelle Laura Haight, dont le film est, je crois, I am Invisible, excusez-moi pour l'accent, et j'ai trouvé que c'est un film tout à fait charmant et remarquable, mais bon, voilà, il est peut-être passé un petit peu inaperçu dans cette sélection. Non, c'est vrai, c'est un très très joli film. Et donc, on a compris plus ou moins le coup de gueule. C'est un peu comme Annabelle, c'est des films qui n'ont pas forcément à se trouver en compète. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'animation, donc je me pose juste la question. Est-ce que sur certains films, est-ce que quelqu'un a vraiment eu du plaisir en voyant ce film? Parce que pour certains, ça me paraît totalement impossible. Donc peut-être qu'il y a d'autres raisons, qui est aussi de montrer un panorama d'une production internationale et de dire, tiens, on va peut-être mettre un film très très chiant, mais d'un pays qui n'envoie pas souvent des films, donc on va peut-être pas les décourager cette année, donc on va mettre 25 minutes d'un film d'un pays lointain pour montrer le côté international d'Annecy, mais pourquoi pas. Alors je balance après la musique, je vous dirai deux trois petites choses à propos de la sélection. Si, je vais le faire. Et on va juste écouter un petit peu de musique, parce que ça fait longtemps qu'on parle, ça fait plus d'une heure que vous nous écoutez. Il y a beaucoup de monde, c'est pour ça que j'ai préféré aujourd'hui plutôt écouter les personnes qui sont là. On va faire un petit coucou à Iseut, peut-être qu'elle nous écoute, elle est en plein ménage. Et donc voilà, c'est son petit coucou pour elle. On va écouter encore du Kangard. On écoute de suite. Rappelle plus et tout oublier, c'est pas si j'ai su, ni vous non plus. On se rappelle de plus rien, on a tout oublié et tout nettoyé. Et le Faubert fauche la poussière, et le palais entasse les crasses. Rejoignez vos places, enlevez vos grimaces, embrassez l'espace. Il est propre, il est propre, il est propre l'espace. Don badapdé, dadapdé, dédédédé, non pas dadapdé. Avec cet espace va se passer quelque chose, une biosymbiose entre le cosme et l'osme. C'est fou, mais c'est normal. Pour un balayeur, tout ça c'est normal. Et le Faubert fauche la poussière, et le palais, entasse les grâces. Rejoignez vos places, rendez vos grimaces, embrassez l'espace. Il est propre, il est propre, il est propre l'espace. Tombe à maintenant qu'il est propre, on va y ranger des choses bien et belles, de belles et bonnes choses qu'on va se faire, on va s'y plaire. Récréation, il le faut berre, fauche la poussière, il le balai, entasse les crasses. Rejoignez vos places, enlevez vos grimaces, embrassez l'espace. Il est propre, il est propre, il est propre l'espace. Dans va d'apnée, d'apnée, d'apnée, d'apnée, d'apnée. C'était Dick and Garn avec Fauberwaltz, ranger l'espace. On va entendre Sébastien Lennenbeck qui nous a rejoint, qu'on va entendre tout à l'heure, avec Florentine Grelier, donc un prof et une étudiante, pour finir un petit peu notre tour d'horizon. Mais je voulais avoir quelqu'un qui est responsable d'une institution et quelqu'un qu'on aime bien ici, évidemment, puisqu'il a été pendant des années derrière ce micro à ma place. Olivier Catrin, bien sûr. Je vais demander un petit peu aujourd'hui ce que l'importance d'Annecy dans le paysage cinématographique animé, un peu ce que c'était, ce que ça représentait. Donc voilà la vie d'un professionnel. Notre cher Olivier nous parle. Olivier, bonjour. Bonjour. Bon, je suis un peu déçu, on aurait voulu te voir, ça fait un bout de temps que j'aimerais te voir dans le studio. Eh oui, ben oui, pourtant c'est quand même, ça a été un grand amour pour moi, mais bon, c'est la vie, beaucoup de choses à faire. Bon, on désespère pas un jour de... Je désespère pas de te faire venir pour nous parler de l'AFCA et de plein de choses. Ouais, je viendrai, c'est promis. Bon, donc génial. Alors, en attendant, on fait là un petit compte-rendu, on va dire, d'Annecy. Mais plus qu'un compte-rendu, je voudrais savoir, toi qui vas à Annecy quand même depuis un bout de temps maintenant, et puis qui connais bien le monde de l'animation, évidemment, avec l'AFCA notamment, tu peux me dire un petit peu, selon toi, ce qui est aujourd'hui l'importance du Festival d'Annecy dans le paysage cinématographique animé. Je pense qu'il y a deux éléments importants. D'abord, c'est le seul endroit où il y a un marché du film, donc c'est important pour une partie des professionnels, pas pour tous, mais pour une partie. Et c'est un marché qui fonctionne plutôt trop mal, en tout cas qui va mieux maintenant. Et puis l'autre, c'est qu'effectivement, les gens se retrouvent quand même, malgré tout. Même s'ils n'ont pas le temps de beaucoup se voir, ils se retrouvent et puis ils ont un panorama de l'animation mondiale qui est ce qu'il est, ce panorama, mais bon, en tous les cas, ils ont un aperçu. Donc c'est ça le sens de ce festival, c'est quand même le festival où il y a plus de monde et donc on est content de retrouver tous ces gens-là. C'est important professionnellement. Et toi qui vas notamment, qui a été à Zagreb un petit peu après, à Annecy, c'est vraiment le seul endroit où ça se passe comme ça? À Zagreb, on se retrouve aussi, mais c'est malgré tout, c'est beaucoup plus petit. Alors on se retrouve mieux. Voilà, ouais. On a plus le temps de se voir, de se croiser, de parler, de profiter, de rencontrer des grands noms d'animation, mais pour faire des affaires, pour avancer professionnellement, c'est vrai qu'Annecy, c'est mieux, surtout quand on est français d'ailleurs. Oui, et ça c'est l'une des critiques qu'on peut faire, je reviens, c'est une critique qu'on peut faire à Annecy, c'est que en fait il y a beaucoup de monde et est-ce qu'on a peut-être pas le temps de voir tous les gens? Ben, le festival a le défaut de ses qualités. Il y a énormément de monde, mais du coup, ça rend les choses compliquées, quoi. Il faut prendre les rendez-vous à l'avance, et puis on n'a pas le temps, on est un peu stressé, on est toujours pris par le temps, etc. Voilà. Et est-ce qu'on a le temps de voir des séances? Moi, je prends le temps de voir des séances, en tout cas. C'est important pour moi. Mais il y a des gens qui viennent au Festival d'Annecy et qui ne voient pas un seul film, ce qui me semble absolument terrifiant. C'est terrible. Ouais. Et alors, l'importance pour l'AFCA, parce que vous venez toujours tous ensemble, hein, tout le personnel de l'AFCA vient, c'est quoi l'importance pour l'AFCA d'être présent à Annecy? Ben justement, c'est de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, de communiquer sur le festival, notre festival à nous qui vient un peu après, sur la fête du cinéma d'animation. Moi j'en profite pour faire un pique-nique de la fête, donc avec des gens qui organisent des choses dans le cadre de la fête du cinéma d'animation, les gens peuvent se rencontrer, faire connaissance, échanger des idées, et nous, comme on assure quand même une présence un peu permanente, c'est vrai que ça permet aux gens de se renseigner, de découvrir un peu ce qu'est l'AFCA et tout ça. Et puis bon, on en profite aussi pour faire avancer certaines choses sur des points précis, en rencontrant des gens qui sont pratiquement tous, c'est vrai, présents à Annecy. D'accord, donc ça a permis, par exemple, là, concrètement, par rapport à la prochaine fête de l'animation, ça a permis de prendre plus que les contacts, c'est-à-dire préciser des programmes, ce genre de choses? Non, surtout aux gens de se rencontrer, moi de leur donner des informations que j'aurais pu aussi bien leur donner par mail, mais c'est important qu'ils me connaissent aussi, certains ont fait ma connaissance à cette occasion. C'est important qu'ils se connaissent entre eux, notamment maintenant qu'on a des coordinateurs au niveau régional et au niveau départemental, pouvoir en réunir un certain nombre à un même moment, qu'ils fassent connaissance entre eux. Et, ça a été important parce qu'après ça, certains ont établi des contacts, échangé des idées, établi des collaborations et tout ça. Donc c'est plutôt le fait de se rencontrer à un moment donné fait qu'on va pouvoir travailler ensemble. Quand on se connaît pas, c'est plus difficile. D'accord. Toi, on va dire, ça fait combien de festivals que tu fais? On continue, ça doit faire, ça doit être le 9e. 9e, donc 9e festival. Est-ce que toi, tu vois un véritable changement dans le festival qui est peut-être dû aussi tout simplement au changement du cinéma d'animation lui-même, du film d'animation et de la manière dont il est perçu par le grand public aujourd'hui? C'est un peu difficile de déterminer une ligne, on va dire, d'évolution. Enfin, on a quand même l'impression qu'il y a un peu plus de monde, enfin de plus en plus de monde, de plus en plus d'étudiants par rapport à l'ensemble de la, par rapport à la proportion générale des gens qui sont présents sur le festival. Et d'où un certain nombre de problèmes, notamment concernant la billetterie, l'accès aux salles et tout ça, quoi. Mais bon, ça, et puis effectivement, il y a quand même un changement dans la ligne éditoriale du festival qui est quand même assez perceptible. Bon, c'est lié à la personnalité du directeur artistique du festival, hein. C'est logique. D'accord. Et est-ce que ça, tu trouves que ça se répercute dans l'ambiance des salles ou C'est difficile à dire. Est-ce que c'est Oui, probablement. Ça doit marcher dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que la direction éditoriale du festival est liée à l'ambiance dans les salles et l'ambiance dans les salles est liée aussi à la direction éditoriale du festival. D'accord. Parce que ça se nourrit l'un l'autre. Et alors, cette année pour l'AFCA, c'est une grosse année, puisqu'il y a à la fois, puisqu'on parle de festival, il y a donc la fête du cinéma d'animation, on a un petit peu parlé, et puis il y a Auch aussi. Eh oui, cette année. Fin avril, donc de l'année prochaine. Donc ça va être énorme, il y a déjà des... Bon, je suppose qu'il est trop tôt pour avoir des lignes directrices, peut-être pour la fête. Ben, quand même, si, on y parlera avant tout musique et création sonore. D'accord. Ce sera le thème du festival, donc l'année dernière c'était le cinéma expérimental, et là on va parler donc de tout ce qui est, enfin c'est un ensemble, on va dire, on le sépare pas vraiment dans notre esprit, hein. Tout ce qui est la création sonore autour d'un film, donc il y aura des rencontres autour de ça notamment. Génial, donc ça c'est une bonne chose d'avoir déjà ça en tête. Bon, alors pour finir, on va dire évidemment l'évidence, coup de cœur, est-ce que tu as un coup de cœur ou même un ou deux coups de cœur et puis un ou deux coups de gueule par rapport au festival, que ce soit des films, je sais pas, des séances, des choses comme ça? Alors d'abord, t'es évidemment, c'est plus agréable, les coups de cœur. Moi, j'ai été très très impressionné et très touché par la séance de présentation d'Azuri Asma. Ouais. D'abord parce que c'est un très beau film, hein. Et parce que je connais bien Michel Oslo et que j'étais très heureux pour lui. Et puis surtout à l'issue de la séance, il y a une émotion qui s'est dégagée très forte de la part de certains spectateurs. Il y a vraiment des gens qui ont été bouleversés par le film, même plus que je n'aurais pensé. Et donc du coup, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et c'est pas si souvent, hein, qu'on voit ce genre de séance à Annecy. Ouais. Voilà, donc peut-être c'est peut-être le moment le plus fort pour moi durant le festival. Et puis, coup de gueule, peut-être par rapport à certains choix de la sélection, du comité de sélection. C'est vrai qu'on a vu des choses un peu indigentes en compétition, me semble-t-il. Des petites choses rigolotes, mais enfin censées être rigolotes, mais qui sont vraiment, vraiment très médiocres. Et puis l'absence de films importants, dont je ne m'explique encore pas l'absence. Qui était à Zagreb dans ta sélection? Oui, des films qui étaient présents, parfois récompensés à Zagreb, qui sont pris à Hiroshima aussi, alors c'est des festivals tous les deux ans, et qui ont... Et c'est des films importants, je veux dire, les films de Florence Mian, Mikhail Aldachin, Bonsoir Monsieur Chou, ou La tarte aux pommes d'Isabelle Favet, tout ça c'est des films qui sont quand même très réussis, qui sont importants. Donc le sens d'une sélection, c'est de montrer pas simplement les films qu'on aime, mais aussi les films qui sont importants. Dans le monde de l'animation. Ok. Bon, on va finir là-dessus. Je te remercie et puis donc à bientôt en studio pour, au moins pour parler de la fête du cinéma d'animation. Ouais. Ok, merci, à bientôt, Olivier. Rendez-vous pris. Ok, au revoir, merci, Alexis. Au revoir. Voilà, c'était Olivier Catrin de l'AFCA, ex-animateur, superbe animateur de Bulle de Rêve, qui n'a pas pu être nous ce week-end. Vous l'avez entendu, je veux le faire venir ici de nouveau en studio. Donc vous écoutez toujours Bulle de Rêve, spécial Annecy, et j'ai un petit message très rapide à vous dire, parce que après... normalement, Olivier Catrin venait Sylvie Porte du Forum des Images, et malheureusement, Sylvie n'a pas pu venir au dernier moment. Donc, elle nous envoie un petit message, elle donne le bonjour à tout le monde, et elle nous dit donc, que le Forum des Images ouvre de nouveau en mars 2007, ce qu'on espère, parce que ça manque dans le paysage justement animé. Le projet Carrefour de l'animation, vous avez entendu Sylvie qui était venue nous en parler, c'est ce Carrefour avec plein d'étudiants qui viennent montrer leurs films, plein de jeunes étudiants comme Florentine qui viennent voir ce que les autres font. Aura lieu le 31 mars et le 1er avril 2007 au Forum des Images. On sera débarrassé enfin de la Villette, d'aller loin pour ce lieu un peu impersonnel, et on retrouvera dans le Forum des Images, qui risque peut-être d'être impersonnel dans le nouveau, on verra. Et qui nous dit qu'elle viendra, elle s'invite, mais elle est bien sûr invitée lors d'une émission de la rentrée de Bulle de Rêve pour nous dire quelques éléments de programme, ainsi qu'un nouveau projet lancé justement à Annecy. Elle n'en dit pas plus, tout le meilleur est à venir, donc on espère, je suis un petit peu au courant, il y a pas mal de projets en effet sur l'animation que vont lancer le Forum des Images, et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien que le Forum soit là. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit là, ils font beaucoup pour l'animation. On va entendre la superbe voix de quelqu'un que vous connaissez déjà, si vous êtes un fidèle de Bulle de Rêve. C'est Sébastien Lodenbach. On a fait une petite interview avant. On va pas la passer finalement, puisqu'on a la chance de l'avoir en direct dans le studio. Bonjour Sébastien. Bonjour, je sais pas quel micro. Oui, c'est le micro, mets-toi. Voilà. Donc Sébastien, vous avez peut-être déjà vu, donc il a fait deux films, Journal et Des canins dans les cuisines. Il prépare son... premier long métrage, mais il n'est pas venu ici pour ça, il est venu ici en tant que prof, parce que Sébastien est prof à l'ENSAD. Ben oui, merci de m'avoir invité. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, tu es venu cette année en tant que prof, t'as accompagné les élèves, est-ce que c'est important pour toi que les élèves voient d'autres films, c'est quoi l'importance d'Annecy pour des élèves? Déjà, je dirais que le festival d'Annecy, par rapport aux Arts Déco, c'est un festival qui est très souvent, c'est un voyage qui est très souvent subventionné par l'école. Donc tous les ans, les élèves se rendent à Annecy. Donc cette année, c'était des élèves de troisième année qui étaient déjà allés au festival l'année dernière. Oui, c'est évidemment un événement important, sans doute incontournable pour des étudiants. En plus, ça a l'avantage d'être relativement proche par rapport à d'autres grands festivals d'animation. Et c'est quand même un festival qui propose, outre sa compétition, toute une série de rétrospectives, de programmes spéciaux, etc. Donc, moi, ce que je regarde toujours un petit peu, c'est que comme le festival a lieu en fin d'année, en fait l'année scolaire est terminée, on n'a pas le temps malheureusement de revenir dessus après avec les étudiants. Donc c'est intéressant, je pense, pour leur culture générale et pour la culture du cinéma d'animation, mais on peut pas vraiment l'intégrer à une pédagogie ou à une réflexion. Mais c'est vrai que le festival prend, je dirais, en charge, enfin, le fait que les étudiants aillent voir des films d'animation, quels qu'ils soient, un festival comme Annecy, fait qu'on peut rattraper un petit peu le temps perdu, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps à l'école. Mais justement, est-ce que vous, avant que les étudiants soient lâchés dans Annecy, c'est pas toujours évident de se repérer déjà? Bon, quand on connaît bien le festival, c'est déjà un peu plus facile, mais on passe déjà un temps monstrueux sur le catalogue et sur se dire, bon, alors là, je peux pas voir ça. En plus, de plus en plus maintenant, alors c'est la grande mode, je veux dire, mon coup de gueule un petit peu avant que l'émission soit terminée, mais c'est vraiment, c'est séance unique maintenant, c'est la nouvelle mode. Il y a plein de séances uniques qui passent, alors, une seule fois, puisque c'est unique, bien sûr, mais c'est fou, il y en a de plus en plus qui se passent en même temps, enfin bon, juste pour en faire le plus possible. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, la quantité ne prime pas sur la qualité, parce que la qualité est bien là, mais justement, il y a une quantité énorme plutôt que des rediffusions. Donc, un film comme Azur et Asmar, qui est là vraiment l'un des coups de cœur pour moi du festival, j'avais vu avant le festival, ne passe qu'une seule fois, alors que c'est un film important dans... Enfin, bon, Azur et Asmar sort en octobre. Donc, oui, mais sort en octobre en France. Il va sortir peut-être, c'est aussi un festival international. Mais bon, ça c'est une chose, je trouve ça un petit peu dommage. Justement, est-ce que vous, en tant que professeur, vous prenez les étudiants avant et dire, bah voilà, la rétrospective Robert Brier, vous avez intérêt à la voir, ou celle de Peter Foldes, ou non, ils vont voir. Ils ont déjà 200. Oui, non, c'est un petit peu compliqué parce que, bon, déjà, le programme d'Annecy arrive assez tard. Enfin, bon, bien sûr, on en entend parler un petit peu avant, mais tout ça se met en place quand même relativement tard. En plus, il y a ce système maintenant de pré-réservation sur Internet. Bon, donc effectivement, pour ceux qui ne sont jamais allés à Annecy, on leur dit faites attention, à aller voir telle séance. Mais c'est plutôt assez informel. Voilà, bon, puis pour cette année, c'était comme les étudiants étaient déjà allés l'année dernière, on les sentait beaucoup plus à l'aise, ils se baladaient un peu partout. Voilà, après, non, c'est pour ça que c'est un petit peu bâtard comme voyage. À la fois, c'est important, et en même temps, je pense que ça devrait être davantage préparé, effectivement, dans l'école. Est-ce que finalement, ils vont pas plus voir Nausicaa ou faire des avions papier que d'aller voir... Non, c'est pas les élèves des Arts Déco qui font des avions en papier, c'est possible, je crois pas. Après, la première fois que je suis allé à Annecy, j'étais étudiant, c'était en 95. Personne m'avait dit qu'il fallait aller voir tel truc ou tel truc. Il y a aussi l'intérêt d'y aller un peu au petit bonheur la chance. D'ailleurs, je vois que quand je discute avec les étudiants, souvent, ils sont beaucoup plus libres que moi, parce que moi, justement, je vais me faire la compète, voilà, les cours, les longs, éventuellement les films d'étudiants, si je peux, si j'ai le temps, si j'ai pas trop de rendez-vous, machin. Mais bon, voilà, j'ai des espèces de priorités comme ça, qui sont pas forcément les plus intéressantes. Et souvent, je croise des étudiants qui, quelquefois, n'ont pas pu rentrer dans les salles et qui se retrouvent à aller voir, Robert Brier, que justement, je ne suis pas allé voir, et je le regrette bien. Donc, j'ai l'impression qu'ils se baladent et que c'est pas mal comme ça aussi. Est-ce que c'est une plongée pour eux plutôt professionnelle, à savoir studio, producteur, des choses comme ça, ou non juste, il y avait une belle phrase de Joanna Quinn quand elle a reçu son prix, donc Joanna Quinn, qui est maintenant une animatrice qu'elle a depuis longtemps, réalisatrice, et qui disait que la première fois elle est venue à Annecy, elle s'est rendue compte que c'est là où elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas que Disney et elle qui faisaient de l'animation, mais qu'il y avait plein de gens qui faisaient de l'animation et des styles complètement différents, et elle s'est rendue compte peut-être qu'elle était un tout petit peu moins seule. C'est vrai qu'il y a ce géant Disney qui nous a gâché la vie de l'animation pendant quand même des années. Pas exagéré. Non, même s'il y a des choses intéressantes, non, mais au niveau, c'est vrai que quelqu'un qui d'un seul coup veut faire son petit cours se dit, bon oui, mais l'animation est toujours prise pour enfants avant tout, pour un médium pour enfants. Et c'est vrai que d'un seul coup d'aller à Annecy, je suppose, de voir Jean-Marc Meyer, d'Einstein, je parle de ça il y a 20 ans même, mais toujours maintenant, je pense que ça doit ouvrir un peu un esprit. Donc c'est plutôt quoi pour toi, t'en avais plutôt une ouverture d'esprit encore plus grande, ou plutôt au contraire, se dire, allez, là il y a les producteurs, il y a les studios, allez-y, et foncez. Difficile de répondre à la question, il faudrait demander aux étudiants directement, mais j'ai l'impression que les Arts Déco ça dure 5 ans, donc selon que ce sont des étudiants de deuxième année ou de dernière année qui vont à Annecy, évidemment le rapport au festival est différent. Maintenant, par exemple, les étudiants sont obligés de faire un stage pratique, donc c'est évident qu'ils vont sans doute y aller aussi, enfin ceux qui sont confrontés à cette situation, ils vont aussi y aller sans doute pour essayer de décrocher un stage, de rencontrer des producteurs, des studios, etc. Mais je pense qu'avant tout, c'est quand même, une immersion dans une quantité de films qui, quelle que soit leur qualité. Alors Florentine, puisque tu es à côté, vous avez partagé le micro, ça tombe bien puisque Sébastien, tu as été... a été membre du jury, enfin a fait partie du jury pour ton film. Toi, tu es étudiante à l'ISG, c'est ça, l'Institut Sainte-Geneviève. Il préfère dire ISG. Ça fait moins snob que l'Institut Sainte-Geneviève, paraît-il. T'attends quoi quand tu viens à Annecy? Tu nous as dit tout à l'heure, tu connais déjà pas mal de films, tu vas à l'Animathèque. Qu'est-ce que t'attends justement, plutôt de voir des producteurs, des studios, ou non, juste continuer à voir Pour moi, c'était un peu les deux. C'était mon premier festival, donc d'abord, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir tout voir. C'est vrai que j'ai au moins fait 4 séances par jour. Quand j'en ratais une, j'étais vraiment énervée contre moi-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir qu'on ne peut pas forcément voir autre part. Donc, c'est d'abord voir les films, les courts-métrages et les films d'étudiants. Enfin, surtout en tant qu'étudiant, voir ce qui se fait et se dire, ah, si c'était moi. C'est un peu ça, quoi. Ça fait rêver juste de voir des films d'étudiants sur grand écran comme ça, ouais. Oui, ça fait rêver. Et la deuxième chose, donc, c'est que j'étais au MIFA, puisqu'on a le droit à... Donc, le marché du film, qui est vraiment la partie plus économique, là où on vend les films. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, nous, on a le droit à une journée de repérage entre les stands. Et j'ai aussi été au Carrefour de la création et de l'emploi pour voir ce qui se faisait. C'est vrai que j'ai fini un cycle de 2 ans. Et donc je me demandais est-ce pour l'année prochaine comment ça se passe, est-ce que je vais travailler, je me posais des questions par rapport à ça. Donc j'ai pris plusieurs, j'ai été aux rencontres et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte de ce que les studios demandaient et vraiment ce que moi aussi ce que j'aimerais faire plus tard. Et bon, effectivement, ils recherchent plutôt des animateurs 2D flash. Donc moi, avec mon film en animation volume marionnette, c'est vrai que là, on tâte un peu le terrain, on montre aux gens, on voit ce qu'ils en pensent. Je me suis demandé, est-ce que ce serait pas mieux de faire indépendant. Enfin, on est vraiment finalement dans le milieu et on se pose des questions peut-être plus concrètes qu'on ne se pose pas forcément à l'école. Ouais, qu'on arrive. Et voilà, c'est ça. Et donc sinon, au MIFA, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'animation volume. J'ai fait un peu tous les stands. Et j'en ai trouvé que trois. J'ai été voir ces trois-là. Et voilà, c'est vraiment intéressant de voir vraiment ce qui se fait et de se dire, de voir vraiment ce qu'on veut faire aussi. Est-ce que je veux travailler en studio? Est-ce que je veux vraiment continuer à faire des courts-métrages? Enfin, vraiment. Et ça, Annecy, permet de se confronter vraiment à ce problème-là. Oui. Ben oui, puisque tout le monde est là. Et on peut questionner directement avec les gens et s'apercevoir vraiment de ce qu'ils veulent. Donc les gens ont dit que c'était très intéressant ce que je faisais, mais ils recherchaient du flash. Voilà, maintenant je suis... non, mais... Il faut se mettre... Voilà, c'est ça. Non, mais ça m'a un peu remotivée à faire des courts-métrages et à me dire que finalement j'ai que 20 ans et je vais me prendre peut-être un ou deux ans pour faire des courts-métrages et travailler en série après si j'ai vraiment besoin de sous. Alors, un peu ça. Sébastien, justement en tant que prof, bon, quand on est un peu vieux et fou comme Franck Dion et qu'on se lance dans le film de marionnette, on peut rien, mais quand on est un petit peu plus jeune, on n'a pas envie de dire aux étudiants à l'ENSAD, ils font plein de choses complètement différentes, on n'a pas envie de leur dire mais... vous n'y arriverez pas, faites du flash, mettez-vous sur l'ordinateur et... Oui, mais parce que les Arts Déco, c'est une école qui a justement cette position un peu particulière, que c'est pas une école professionnalisante, c'est pas une école spécialisée, donc on considère aussi que c'est l'apprentissage surtout d'une méthodologie et d'une manière de penser certaines problématiques et de pouvoir essayer de les concrétiser dans un projet de fin d'études, ça dans toutes les disciplines. Et les étudiants qui sortent de l'école, je veux dire, aucun étudiant ne peut se prétendre animateur spécialisé ou que ce soit 2D, flash, volume ou maîtrisant une technique, sauf s'ils l'ont développée par ailleurs. Mais voilà, par contre, normalement, un étudiant qui sort de l'école doit pouvoir appréhender n'importe quelle situation de commande. On peut très bien se retrouver à faire de la série, de l'habillage de chaîne ou de, je sais pas, du clip ou toutes sortes de choses, même des choses liées à l'internet, etc. Mais plutôt un niveau de conception et de... un niveau de conception et de supervision tout en ayant suffisamment mis un peu les mains dans le cambouis pour savoir concrètement ce que ça veut dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois l'école. Donc, beaucoup de gens qui sortent de l'ENSAT font des séries. Tu sais ça? Alors, on a essayé de recontacter tous les gens. C'est la promotion animation à 10 ans. Donc, on a essayé de recontacter toutes les personnes qui étaient sorties de cette promotion, pas toujours avec succès. Alors, est-ce qu'il y en a qui font de la série? Ça me vient pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui font du storyboard pour de la série. Je pense oui, effectivement à une personne. C'est la série Les Grabonautes. D'accord. Voilà. Où des gens sont animateurs volume. Notamment, là, il y a un garçon qui s'appelle Fabrice Piéton qui, je crois, en ce moment, travaille en Suisse sur le long métrage des frères Guillaume, je crois. C'est ça. Fabrice était animateur sur la Il a travaillé avec toi, oui. Donc, lui, il a réussi à aller de projet en projet. Parce qu'il y a beaucoup d'animateurs volume. Moi, tous les noms qui me viennent en tête, c'est, à part Sébastien Ladenbach et Sarah Vandenbaum, il y a Jérémy Clapin, il y a Arthur, il y a Camille Enro, il y a plein de gens, et ils font tous aujourd'hui plutôt des courts, enfin c'est quand même quelque chose d'assez assez particulier, courts, long métrage pour certains, enfin. Oui, bon, puis après, il y a des gens qui travaillent, qui font de la 3D chez Micros, il y a des gens qui se sont complètement réorientés vers autre chose, ça ouvre. Il y a beaucoup de gens qui font du graphisme aussi, de l'habillage, là justement à Annecy, j'ai revu un garçon qui avait fait les Arts Déco avec moi et qui a fait de l'habillage pour des chaînes anglaises entre autres, ou du clip. Et finalement, Florentine, est-ce que quand, justement, pour rebondir sur ce que dit Sébastien, à savoir que quand on se lance dans une technique comme ça, est-ce qu'on réfléchit vraiment à ce qu'on veut faire après ou non? Pour l'instant, t'es étudiante et t'avais un sujet. C'était devenu évident la technique. C'est plus une envie de faire de la réalisation et un court métrage. Donc après, on pense pas forcément effectivement dans la vie active qu'est-ce qu'on va faire. C'est vrai que ça se pose plus. Donc après, une fois qu'on a fini le premier court métrage, on se dit bon, alors on fait quoi, on travaille ou on refait un court métrage? Là, c'est un peu dur aussi parce qu'il faut faire un deuxième court métrage qui est aussi bien que le premier. Ou est-ce qu'on continue des écoles? Moi, pour ma part, l'année prochaine, je vais a priori me retrouver en fac. Et bon, je pense continuer quand même à faire de l'anime à côté. Je suis vraiment motivée pour ça. Mais c'est vrai que finalement, quand on finit un cycle court de 2 ans, en anime, il n'y a pas tant d'écoles que ça. Et on se retrouve un peu... faut garder une motivation, enfin vraiment une grande motivation pour continuer soi-même dans la voie d'auteur, enfin, à faire des courts-métrages. Si on ne veut pas juste se faire embaucher sur une série d'animation. 2 ans, c'est court, non, Sébastien? Oui. Ou Florentine, je ne sais pas si quelqu'un... Parce que c'est toujours un peu plus long, non, l'ANSAT, c'est... 5 ans, c'est 4 ans, ça peut être 5. Hein, c'est ça, Supinfocom, je croyais passer à 5 ans cette année, hein, la belle, me confirme. 2 ans, c'est vraiment très court. C'est un DMA, toi, oui. C'est ça, c'est oui, c'est 3, ça. DMA. Donc, 2 ans, on nous donne les bases, hein, un peu toutes les techniques. Et bon, c'est surtout notre travail sur le court-métrage qui nous fait mettre les mains dans le cambouis, c'est vraiment ça. Et avec ce qu'on a fait, selon sur quoi on s'est orienté, après, on part vers ce qu'on préfère. Mais c'est vrai que 2 ans, c'est assez court. Donc, a priori, on aimerait continuer à faire des études. Enfin, 20 ans, en plus, c'est jeune. On s'imagine, moi, personnellement, je ne m'imagine pas encore vraiment travailler tout de suite. Et pourtant. Et tout à l'heure, Franck parlait des récompenses. Est-ce que d'avoir une bonne note, c'est que tu as une bonne note à ton jury final pour... Une bonne note, c'est très scolaire. Pour le film. C'est important, c'est comme les récompenses. Des fois, ça peut... C'est très scolaire. Enfin, oui, tout à fait. Ouais. Non, mais oui, c'est très scolaire. Tu ne peux pas rentrer encore dans le... Non, bien sûr. Dans le travail, mais pas scolaire non plus. Non, il y a un moment donné. Est-ce qu'une bonne note, ça permet de se dire que... Surtout quand on a... Faut juste pour avoir une idée, l'Institut Sainte-Geneviève... Toujours très impressionné, vous avez dans votre en membre de jury final, notamment en professionnel, Michel Oslo, Florence Millaille, Sébastien Denbach, Jérôme Boulbès, Arthur Depince. Oui, ça va. Déjà, c'est bien. C'est pas évident quand on a 5 personnes quand même, en plus totalement différentes, qui font des choses. Ça fait quoi d'avoir une bonne note? On se dit bon, faut continuer, mais c'est vraiment bien. Enfin, surtout que j'avais un sujet difficile, un peu au quitte ou double, mon projet. Sujet difficile qu'il a fallu porter toute l'année. Surtout qu'on est la première promo, donc il y a en plus du stress, il y a plein de choses qui s'accumulent. Et avoir les compliments du jury à la fin, on se dit que c'est notre travail récompensé. Et c'est encore plus motivant. Je suis vraiment contente, en tout cas. Et tes petits camarades, ils font quoi? Ils font de la ils font du flash? Non, j'ai choisi le plus compliqué. Non, il n'y a que moi qui, finalement, a fait un film de marionnettes. La plupart des autres ont de l'animation sur ordinateur. Enfin, un papier, après scanner. Mais j'étais la seule en stop motion. C'est Sébastien, sans parler évidemment, là c'est trop dur, on va pas parler du film de Florentine en direct, mais... Non, on en parlera après. Voilà, c'est pour ça, donc non, puis pas en direct. La sélection, tu trouves ça comment? Enfin, par rapport à l'ENSAD, par rapport à tout ce qui se passe, les sélections étudiantes, tu trouves que ça va vers dans quel sens? Parce que moi, je suis toujours plus épaté chaque année par les films étudiants, même s'il y a des choses moins bien, hein, mais je trouve qu'ils sont... vraiment souvent très réfléchi, il y a plein de problèmes. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Je peux pas répondre à la question parce que j'ai mal fait mon travail de professeur, puisque je ne suis allé voir qu'un seul programme étudiant. Voilà, donc dans lequel j'ai vu un film, enfin voilà, qui m'a bien plu, dont j'étais content. Je peux pas vraiment répondre à la question. J'avoue que il me semble qu'il y a quelques années, les films d'étudiants à Annecy étaient beaucoup moins valorisés. Parce qu'ils étaient diffusés dans une salle où les conditions de projection étaient assez dures. Il faisait chaud, souvent la salle n'était pas grande. Donc je trouve ça très bien que... Enfin voilà, je trouve quand même que les conditions de projection se sont vraiment améliorées à Annecy. En tout cas par rapport aux films d'étudiants. Et que les films d'étudiants ont maintenant une vraie place de plus en plus dans le... Enfin, il y a de plus en plus de gens qui tiennent le même discours que toi. C'est-à-dire voilà, je vais plutôt aller voir les films d'étudiants que la compète, ouais. Parce que c'est là où il y a les choses. Je pense que l'année prochaine, je vais faire ça. Pourtant, cette année, il n'y a pas beaucoup de films de l'ENSAD. Malgré le fait qu'Arthur Depince, qui était dans le jury et qui a fait l'ENSAD, il y avait un film très très bon qui s'appelle Walking, de Bale, je ne sais plus comment il s'appelle son prénom, mais qui était vraiment un film excellent. C'est quoi qu'est-ce qu'on leur dit quand ils ne sont pas sélectionnés en fin de compte ou quoi? C'est terrible pour les étudiants. de ne pas être sélectionné à Annecy, enfin l'envoyer, de se dire, bon, parce que je pense qu'il y a un espoir, comme disait Florent, oui, de voir son film sur le grand écran. Non, mais non seulement il y a un espoir, il y a un espoir d'autant plus qu'il y a eu des antécédents. Donc on sait qu'il y a des films de l'ENSAD qui ont déjà été sélectionnés, même parfois en compétition non étudiante. Voilà, des films ont été primés par le passé. Bon, qu'est-ce que... T'es pas obligé de faire un commentaire, c'est pour être. Non, mais c'est pas dire commentaire. Voilà, enfin, c'est comme. Évidemment, c'est le festival, un des festivals mondiaux les plus importants, et en plus, il est en France, donc l'école est une école reconnue. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de film sélectionné cette année? C'était pas forcément ça, c'était par rapport aux étudiants. C'est une mauvaise année, peut-être. Qu'est-ce qu'on leur dit? Nick Tenage de la Poudrière, quand je lui demandais une année, il n'y avait pas grand monde de la Poudrière. Elle considérait que c'était peut-être en effet une année un petit peu plus faible. Moi aussi, je considérais que c'était une année plus faible pour la Poudrière cette année-là. Il y a des années qui sont plus faibles que d'autres, mais il y a des choses que j'aime beaucoup dans l'ENSAD, j'arrive pas à dire. En tout cas, à l'ENSAD dans cette fin d'année. Mais bon, après, on en revient à ce qu'on disait avec Michel, avec Annabelle. Il y a des choses qui sont prises et qui sont pas prises. On est toujours un peu surpris. Oui, et puis même au niveau de l'école elle-même, il y a des meilleures années et des moins bonnes années. Enfin, voilà, c'est normal. Mais c'est vrai que je trouve que, pardon, l'étudiant, justement, sont moins gênants que les sélections officielles. Je trouve qu'il y a des choses en sélection officielle qu'on a du mal à comprendre. Cat Stell, on en parlait, même The Little Match Girl, qui, j'avais dit que je dénoncerais, oui, je le fais, a été plus ou moins imposé par la direction du festival. Oui, je sais, c'est un petit peu terrible ce que je dis, mais alors bon, c'est moi qui le dis, j'ai eu des petites news comme ça, et c'est vrai que visiblement, il y aurait eu plus ou moins, on a imposé. Ça, c'est un truc un peu mon coup de gueule de cette année avec l'année dernière le film de Plimpton, le faux film de Plimpton dont j'avais râlé suffisamment qui était ridicule, qui se moquait de l'abstraction, et d'un seul coup on arrive à un festival, faut se méfier juste un petit peu, où on va voir justement, on n'a plus la diversité qu'on aime dans ce festival, et on va voir plutôt le dernier Disney qui est en plus vraiment pas bon. Autant Lorenzo avait largement sa place parce qu'il était assez intelligent même dans la manière de faire, autant Little Match Girl est très surprenant, parce que bon, il y a rien, enfin il y a pas de, c'est un produit un peu formaté, oui, c'est oui, très, c'est conte très... de Noël sans goût ni odeur. Alors on va finir avec Sébastien et Florentine, coup de cœur et coup de gueule. Je sais pas qui veut commencer. Coup de cœur, je t'en prie. Pour les courts métrages, c'est le même coup de cœur que Annabelle. 1, 2, 3, Crépuscule du Canadien. Non, c'est le film suédois. Le film suédois. Never Like the First Time, qui raconte les premières fois amoureuses. Oui, voilà, c'est ça. Qui était, je trouvais que la technique était en adéquation avec les. Il y a plusieurs techniques. Il y a 4 petits cours, je crois, qui racontent 4 manières différentes, 4 premières fois différentes, et donc 4 techniques différentes. Voilà, puis comme j'aime bien ce thème. Il m'a marqué, c'est un des premiers en fait, courts-métrages que j'ai vu dans les sélections. Et c'est vrai que lui m'a marqué. Et bon, après, j'ai vu beaucoup de courts-métrages, et j'en ai pas forcément qui me sont restés. Celui-ci m'est resté. Et donc voilà, ce serait mon coup de cœur. Coup de cœur, Sébastien? Je garde assez fortement en mémoire Fable. Je pense que vous en avez déjà parlé. Oui. Sarah, on a déjà parlé. C'est drôle, les deux personnes de l'ENSAD, comme quoi il Mais c'est sans doute quelque chose. Il y a un esprit derrière tout ça. Mais c'est amusant que tu parles de ce film suédois. Okay. Parce que je pense que. Ça doit être mon 10e festival. Et je pense que si je l'avais vu il y a 5 ans, il m'aurait pris l'avantage. Ce film-là. C'est intéressant, tu me parlais en interview qu'on avait fait avant, tu me parlais justement de la perception aujourd'hui de films, d'où l'importance d'en parler aux étudiants. C'est vrai que moi j'ai passé avec 2 personnes, dont Florentine, le festival, et c'est vrai qu'ils connaissaient forcément un peu moins bien l'animation, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez agréable de ne pas avoir ce côté, comme nous on peut avoir peut-être aujourd'hui râler sur les films, oui mais ce film-là, et d'avoir une vraie fraîcheur au niveau de la vision. Et en même temps on est plus exigeant aussi, puis après comme en plus je fais des films, forcément on se positionne, quand on fait des films on se positionne aussi en tant que réalisateur par rapport à ce qu'on voit, on n'est pas juste spectateur, enfin voilà. Et ce film suédois, la thématique me plaît, me touche, je pense être assez proche de ça aussi. Mes résultats, j'étais assez critique par rapport au film après coup, c'est-à-dire que j'ai bien aimé le voir, et après en y repensant, j'étais plus si sûr que. Autre coup de cœur. Un film d'étudiant, Guy 101, voilà. Sur lequel j'ai plus de plus de réserves. De plus de réserves, oui. Ouais, un film assez... qui raconte l'histoire d'un... Avec une orientation graphique assez poussée, enfin assez radicale, voilà, un peu expérimentale. Donc tout est fait comme ça par des fenêtres d'ordinateur, puisque c'est l'histoire d'une relation, justement, c'est l'histoire de l'histoire d'une relation homosexuelle, qui commence par un chat. Donc tout est fait comme ça, avec une esthétique d'ordinateur, que ce soit du jeu vidéo ou justement du chat ou les messages d'erreur de Windows, etc., etc., avec une voix off. Et je trouve ça extrêmement maîtrisé de bout en bout. Et ce qui est étonnant, tu me disais que j'ai rencontré évidemment Arthur Depince, vous connaissez, qui disait qu'il était... Ils avaient hésité à un moment donné pour savoir si c'était vraiment de l'anime. On a encore ce problème aujourd'hui de se demander ce qu'est l'anime, ce qui n'est pas l'anime. Je ne sais pas si eux ont hésité, mais je sais que comme je l'ai vu à l'Institut Sainte-Geneviève, donc il n'y a pas longtemps, et il me disait qu'apparemment il avait eu des retours par rapport au fait que ce film a été sélectionné justement sur cette question-là. Ah, mais c'est pas un film d'anime, etc. Bon, à part qu'en fait c'est un film d'anime, il y a des séquences en jeu vidéo, c'est animé comme ça, c'est de la 3D, et puis tout le reste, c'est un film en tout cas graphique à 100%, et du graphisme qui bouge, donc voilà, je sais pas. C'est quand même plus intéressant que l'horrible Flèche qui était en compétition officielle, qui non seulement n'a aucun intérêt politique, qui est même très dangereux politiquement, et qui en plus n'a aucun intérêt, et pourtant c'est d'anime, donc c'est normal qu'ils soient en compétition. Voilà, de temps à autre, je mets quelques petits coups de gueule et quelques petits coups de cœur à travers. Coup de gueule justement. Sébastien ou Florentine. Coup de gueule d'un film, je sais que tu as eu du mal tout à l'heure. Ça peut être sur. Beaucoup de gens disaient. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Non, mais vous avez parlé de Cat's Tale, ça vaut la peine de revenir dessus. Non, un film comme Delivery, un film en image de synthèse extrêmement maîtrisé, avec de la lumière bien douce, bien floue. Une espèce de message de la nature qui remplace la ville. Je trouve ça extrêmement lourd, laid et peu intéressant. Et donc, je sais qu'il a eu le prix de la première œuvre, je crois. Ouais, donc, c'est très bien pour lui. Je ne comprends pas ce choix. Mais je crois qu'il est malheureusement desservi par une musique particulièrement pompeuse et ennuyeuse. En plus. Le film. Oui, aussi, oui. Enfin bon, puis il y a des mouvements de caméra, en veux-tu, en voilà. Il n'y a quasiment pas un plan fixe. Et puis, je suis désolé, mais moi, ça ne me raconte rien. Enfin, c'est vraiment Mais je précise parce que je me suis... Mais c'est vrai que la musique est assez... Je me suis posé des questions sur le film parce que j'ai quand même trouvé l'idée très bonne. C'est vrai que le traitement il est un peu pompier etc, mais la musique est particulièrement insupportable, je crois qu'elle dessert vraiment le film. Le design du personnage aussi, le personnage est vraiment aussi, mais bon. Il n'arrive pas à toucher en effet ce personnage qui juste pour vous donner, parce qu'évidemment là si on est à la radio, Deliveroo c'est en fait un homme qui reçoit une boîte et il se demande ce que c'est, et en fait il va se rendre compte qu'il va pouvoir grâce à cette boîte supprimer la ville qui se trouve pas très loin, plein de fumée etc, pour le remplacer par une jolie fleur, une grosse fleur toute mignonne, c'est très beau, mais c'est vrai que c'est dommage, ça fait partie de ces films qui ont des petites idées, des petites choses et qui finalement débouchent sur... Oui, je pense qu'à partir du style là, il y avait moyen de faire un joli petit film, quoi. Il n'y a pas de souci avec mais ça. Mais il n'a pas réussi en tout cas selon Sébastien. Florentine. Oui, non, mon coup de cœur se rejoignait aussi, le coup de gueule d'Annabelle sur l'ambiance un peu dans les salles, enfin, qu'il y ait des films qui s'étaient fait huer, siffler. Bon, après, coup de gueule dans les films, il y a plein de films dont je me souviens plus finalement, j'en ai vu tellement. C'est ça, est-ce que les coups de gueule, on les oublie pas de toute façon? Oui, voilà, c'est de ça. De films en tout cas en eux-mêmes, est-ce que finalement on n'a pas tendance, heureusement, la mémoire est sélective. Oui, voilà, j'ai gardé le meilleur en fait de ce festival. Et c'est ça qui est bien dans une mission directe, c'est que là je vais me retourner à Nicolas parce qu'on a du temps. On continue alors, c'est fabuleux, on va avoir plus de temps, donc on est détendu, il n'y a pas de musique, donc c'est vous, oui, Franck remet ses lunettes, vous allez tout avoir en direct, et oui, on ne s'appelle pas Papy 3D pour rien. Par rapport aux films qui se font siffler, qui se font huer, etc., c'est vrai que c'est un problème parce que dans l'animation tout doit avoir sa place, puis c'est un des intérêts, une des particularités quand même d'Annecy. Je pense qu'il n'y a quasiment aucun festival équivalent dans le monde, que ce soit en prise de vue réelle ou en animation, c'est que c'est vraiment l'animation sous toutes ses formes, puisqu'il y a une compétition de films pour l'internet que je ne vais jamais voir, mais peu importe, c'est bien qu'elle y soit. Il y a évidemment le marché, il y a les courts-métrages, les longs-métrages, les films de commande, les clips, les pubs, enfin c'est vraiment l'animation en général, et ça je trouve ça très bien, même si c'est bon, pas forcément évident à juger toujours. Donc, est-ce qu'il faut faire des compétitions? Ça, je ne sais pas. Et juste, mais, ce que fait Auge, parce que ça, ce que fait Auge, de mettre tout en même temps, de mettre à la fois les films d'étudiants, les films de courts-métrages professionnels et les films de séries télé tout en même temps dans chaque programme. Qu'est-ce que tu en penses de ça comme... Je me souviens, je suis allé qu'une seule fois à Auch et ça m'avait plutôt agréablement surpris. Enfin, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment à ce moment-là une grande diversité, très, très, très présente vraiment dans les salles. Et puis, en animation, c'est vraiment difficile de passer d'un univers à l'autre. Alors, c'est fatigant aussi de voir une série de films. Donc, c'est bien de voir quelquefois un film d'une minute qui va être un clip, et puis après un spécial télé, puis après un court-métrage. Pas, c'est peut-être quelque chose à imaginer. Ça vous gêne pas, j'ai trois réalisateurs sur la table, de passer, ça peut être des bonnes choses, hein, mais entre une série télé, une pub, et quand je dis ça vous gêne pas par rapport même au jury, par rapport à des choses, Sarah ? Ouais, je pense que si la séance est bien conçue, ça peut être très bien parce que ça permet d'alléger le spectacle et le public passe d'une chose à l'autre. Si les films sont quand même bien assortis et ne se nuisent pas les uns aux autres, ça peut être une très bonne chose à mon avis. Franck ? Non, moi je trouve ça très très bien. Je me souviens que pour la Monteur Fantôme, juste avant, il y avait la Révolution des Crabes. On peut pas faire plus différent, je pense, en termes de films d'animation. Ouais, c'était étrangement, ça, c'était agréable parce qu'il y avait vraiment deux points de vue différents, deux manières de faire, deux univers. Oui, mais ça reste deux films professionnels. Vous êtes tous les deux professionnels qui ont, là d'un seul coup, d'imaginer avoir ton film, un film d'étudiant après qui passe qu'à... On sait bien, souvent 5 ans pour faire un film. Moi, que ça ne me dérangerait pas du tout. Il m'est arrivé de me retrouver avec Overtime en compétition, qui était un film d'étudiant, même si c'était loin de se voir, même si c'est l'un des films les plus maîtrisés que j'ai jamais vu en animation. Ouais. Je trouve ça... je trouve ça très très bien de mélanger. Et alors justement, Annabelle, on t'a pas... Toi, qu'est-ce que t'en... par rapport à ta vision des choses? Toujours, je pense à distributrice. Tu penses que tu peux juger comme ça? On peut juger sans problème un film de pub qui vient juste après un film d'étudiant qui vient après un film de professionnel. Il n'y a pas de catégorisation d'animation. On se dit pas. Je sais pas. Moi, ça me paraît un peu. Ça me fait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Hein. Voilà, je suis pas. Ouais. Ça t'inspire pas le mélange? Parce que t'avais participé, non, cette année-là, t'étais à l'AFCA. Parce que moi, je me souviens pas, en tout cas l'année dernière, il me semble pas que c'était mélangé. Normalement, c'est mélangé puisqu'ils avaient supprimé justement le côté série télé. Ça me revient pas. J'ai pas l'impression d'avoir vu des cours mélangés avec des séries. Bah, l'année dernière, justement, peut-être c'était l'inventaire des canins. J'ai même pas calculé du coup, je sais pas. Donc finalement, c'était c'est aussi bien bon. Est-ce que on a encore du temps? Je regarde. On a encore du temps. Est-ce que je voulais encore Sébastien? Je voulais dire qu'il n'y avait pas de film abstrait cette année en compétition. Il y avait des films figuratifs. Il y avait un Crépuscule, là, justement. Il y avait un, deux, trois Crépuscules, justement, qui était pas complètement abstrait. Mais et j'ai l'impression que ça se. Il y avait Mister Happy, c'était un peu abstrait. Pardon. Il y avait une séance particulière pour les films abstraits. Ah bon? Oui, oui. Ah bon? Dans la petite salle, oui, oui. Ah mais pas en panorama, c'est ça ou en... Parce que c'est vrai qu'en sélection officielle, on a vu quand même cette année de plus en plus de... à part, Tower Bauer, que Théodore Rouchef qui est fait par l'ONF, donc forcément il est sélectionné. À part ça, les autres, c'est vrai, si, on va le répéter, Castel, qui est à mon avis un chef-d'œuvre de l'abstraction. C'est très envie de le voir, ce film. Ah, Castel, il faut le voir, c'est ce chat mauve. Et sûrement ce qu'on a fait le plus beau, en fait. Le plus terrible, c'est qu'on est en train de faire de la pub, quoi. C'est vrai qu'on pourrait parler de Novecento ou d'autres films, mais c'est vrai que là, on parle en effet de... Je me suis retrouvée à écouter une interview des deux réalisateurs qui étaient là et qui n'ont rien trouvé de mieux à dire que de parler uniquement de problèmes de texture de fourrure pendant 20 minutes. Ce qui fait que ça n'a pas amélioré ma vision de ce film. Parce qu'en fait, on est assez surpris parce qu'ils l'ont mis juste après un film qui s'appelle Otomi, qui n'est pas complètement réussi, mais un film belge d'un atelier sur une, plus ou moins une histoire japonaise. Et c'est vrai que ce Castel, un peu abstrait, est assez surprenant. Il y avait Poésie, Is Kinderspell. Ah oui. Qui est un film assez étonnant, qui fonctionne bien. Kinderspell. À part ça, Kinderspell. Mais c'est vrai qu'on a vu cette année beaucoup de films plus... allez, pas rigolo, mais plus léger. Un film comme Monster Samurai, est-ce qu'on l'aurait vu il y a quelques années en compète? Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est ça, c'est une bande-annonce. Ouais, je sais pas, on a eu des grands débats dessus. Est-ce que finalement... parce que bon, pourquoi pas visuellement, mais c'est, je le montre à tout le monde, j'ai le catalogue, Monster Samurai, c'est ça. C'est avant tout une bande-annonce d'un long métrage, ou d'une série, mais en tout cas pas de... Est-ce qu'on n'est pas un peu... Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de films comme ça et on le voit aussi, là c'est le moment juste un peu polémique, je pense, j'essaie de pas trop l'être, mais juste, c'est un petit peu quand même, bon, pas trop quand même, et tous les après-midi, par exemple, étaient décernés à une grosse boîte américaine. On a eu de nouveau ce superbe plaisir, je n'étais pas dans la salle, parce que l'année dernière m'avait suffi avec DreamWorks et Madagascar, où il y avait des gens qui nous regardaient avec des... J'avais fait un petit topo l'année dernière. Des caméras lunettes infrarouges, au cas où. Mais cette année, on a eu droit à Pixar, donc il y a eu Cars. Ah, ouais, les gros Américains qui pensent encore que le piratage est la source de tous leurs maux. Enfin bon, donc, et qui viennent 2 heures avant pour vérifier sur chaque siège s'il n'y a pas une caméra, si quelqu'un n'a pas mis, qui vous prennent quasiment vos portables dès que ça fait un peu caméra ou des. Enfin bon. Et donc il y a eu ça, je crois, pour 2 films cette année. Il y a quand même une dérive, non, de d'Annecy. Quelque part, quelqu'un veut te dire un mot ou non, il n'y a que moi, par rapport à une dérive d'Annecy. Par rapport aux grosses productions, c'est-à-dire que l'animation aujourd'hui, on sait bien, est de plus en plus à la mode, il y a de plus en plus de monde, on n'a jamais fait autant de longs métrages, il y a la vitrine, ce qui se fait moins, on va dire, en animation. C'est comme je dis, le long métrage, c'est par la partie de l'iceberg avec les séries télé qui se voient, mais tout le court métrage dont on parle, c'est énorme au niveau de la production. Et justement, maintenant, il y a de plus en plus de longs. Donc, est-ce qu'on n'accède pas plus facilement aux grosses productions qui viennent avec Monster House, etc., présenter leurs films? Est-ce qu'on appelle pour plaire de plus en plus au public? Et est-ce que le festival ne va pas dans cette volonté de plaire de plus en plus au public, qui est important? Il ne faut pas remettre ça en cause. Tim Burton venant amène beaucoup de public. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là, vous pensez? C'est pas un problème, peut-être. Personnellement, je trouve pas ça du tout comme étant... Enfin, je ressens pas ça comme étant un problème. À partir du moment où le reste, qui pour moi est le fondamental d'Annecy, existe. Mais est-ce que ça peut pas amener les producteurs, petit à petit, à produire qu'un seul style d'animation? Est-ce qu'on peut pas avoir ce problème? De toute façon, vu leur implication dans la production du court-métrage d'auteur, je parle pas en France, qui est un peu particulier grâce notamment à des aides comme le CNC, etc., mais je parle partout dans le monde, je vois pas ce que ça peut changer. Les gens galèrent toujours autant pour faire leurs films. Donc, à mon avis, c'est... Moi, ça ne me dérange pas de voir même des méga-daubes comme Madagascar, bon, que je déteste cordialement. Je comprends qu'on puisse aimer ce film, mais moi, j'avais détesté. Et encore plus d'être observé par des mecs du FBI avec des lunettes infrarouges. Je trouve ça insupportable. Malgré ça, je pense que c'est intéressant... C'est le festival de l'animation. Et l'animation, c'est aussi ça. Ah non, mais la diversité est importante. Je critique pas la diversité. Heureusement que Monster House est là. Juste, l'idée, c'est peut-être que ça soit c'est difficile. Hein. Une stigmatisation. Mais non, j'allais pas dire ça. Une systématisation. C'est ça d'être en direct. Faut pas employer des mots difficiles qu'on ne sait pas. De ce problème-là, enfin, de ça, c'est-à-dire qu'on amène en effet beaucoup de choses qui vont plaire au gros public, qui vont plaire, et sans méchanceté de ma part, mais qui vont d'un seul coup attirer une certaine population, et d'un seul coup l'animation va être. On sait bien, c'est tellement compliqué de produire, tu viens de le dire, finalement, un long métrage. Est-ce qu'on n'arrive pas aussi dans l'anime, petit à petit, à une. Voilà, on va avoir un peu le même style de film. Ah bah il y a une uniformisation bien sûr. Tout à l'heure je rentre dans le métro, là je regarde le dernier film de DreamWorks en images de synthèse, etc. Je me souviendrai toujours quand Toy Story est sorti, c'était absolument extraordinaire, c'était un événement. Maintenant ça commence à me gonfler, tous ces films, comme me gonflait avant Walt Disney. Et pourtant il y a des tas de films Walt Disney que j'adore, mais maintenant ça me gave, même si je les vois parce que j'ai un petit garçon et que il est hors de question de l'empêcher de voir ce genre de film s'il a envie de les voir. Et des fois, j'en apprécie certains beaucoup. Mais je me rends compte qu'il y a une forme de lassitude maintenant. Bah voilà, ça s'est standardisé complètement. Tiens, il y a le dernier machin en image. Ça, tout a un peu la même gueule, tout a la même texture, les mêmes trucs, les mêmes bidules. Bon, c'est l'image de synthèse. C'est pas du papier découpé, c'est pas du... Mais pour ce, pour ce qui est des courts-métrages, moi j'ai remarqué par rapport au mien qu'ils marchent beaucoup mieux dans certains pays que dans d'autres. Il n'y a pas moyen de le faire rentrer en Allemagne. En revanche, il marche très fort aux États-Unis. Voilà. Après, je pense que chacun y retrouve ses petits et que... Mais le fait que vous soyez, par exemple, que vous preniez par la main pour faire papy 3D, est-ce qu'il n'y a pas un côté, en effet, lassitude de devoir se battre pour avoir de l'argent et de se dire... C'est tellement difficile d'avoir de l'argent par les producteurs qui comprennent... Bon, alors ça va quand on a en effet les armateurs ou quand on a des gens qui comprennent l'animation et qui savent... Et encore, tu nous disais, enfin, pour parler que la dernière année, tu leur disais tout à l'heure, avait quand même été difficile au niveau de l'argent, au niveau donc la débrouillardise. De toute façon, est-ce qu'on peut sortir un jour, malgré tout ce que nous fait croire l'ordinateur et les grosses productions, est-ce qu'on peut sortir du bidouillage de l'animation? Est-ce qu'on va sortir un jour? C'est toujours du bidouillage, même avec l'ordinateur. Enfin, je sais pas, mais enfin, en ce qui me concerne, je trouverais ça catastrophique s'il y avait pu à bidouiller. Et je dirais même si les productions de courts-métrages se passaient comme des productions de longs-métrages, à savoir avec des équipes énormes, avec... Je crois que ça serait très dangereux. Mais tu serais surpris de voir combien les équipes de longs-métrages sont pleines de bidouillage. Non, mais c'est assez... Ouais, enfin, ça dépend de quel long-métrage on parle. Oui, ça dépend. Tu parlais de quoi, Sarah? Tu parlais de quel long-métrage? Non. tu veux qu'on en parle? Non, on sait, on n'ira rien. Sébastien, qu'est-ce que t'en penses de ça? Toi qui te lances dans l'aventure depuis quelques années maintenant du long-métrage. Rapport au long-métrage, moi j'en suis vraiment au stade du bidouillage, là, le film n'est pas commencé alors. Mais par rapport à la prod, par rapport à tout ça, ça fait combien de temps en fait que t'as eu l'idée de faire le... La jeune fille et le moulin, c'est ça? La jeune fille, le diable et le moulin. J'oublie le diable. Oui, on l'oublie pas. Ben, je sais pas si on a le temps de parler de ça. On a le temps, l'émission d'après, le collègue de l'émission d'après, ne sont pas là. Donc, on profite. Là, on improvise un petit peu, c'est ce qui est plutôt bien, même s'il fait chaud, même si ouais. C'est pas un. Mais ils arrivent peut-être, mais en tout cas, continue pour l'instant. Cas, voilà, par rapport à ça, en tout cas, en termes de production, bon, je travaille avec un producteur qui se lance dans l'animation, alors qu'il fait de la prise de vue réelle depuis 15 ans, 20 ans, enfin, à peu près. Donc voilà, c'est forcément, on avance main dans la main, on apprend ensemble, donc oui, c'est du bidouillage. Alors après, tout à l'heure tu parlais plutôt de la technique, de l'ordinateur, etc. Je suis assez d'accord avec Sarah, c'est-à-dire, je pense que même avec l'ordinateur, c'est toujours du bidouillage, plus ou moins. Après, est-ce que... je sais pas comment dire, mais... Je pense que tant qu'il y aura des gens qui auront envie de faire des films, ils trouveront toujours les moyens de faire leurs films avec et de changer s'ils ont envie de changer l'imagerie en place qu'on voit. Je pense qu'il y a toujours des gens comme ça. Moi, je me fais pas de soucis par rapport à ça, que cette imagerie soit générée par ordinateur, par papier découpé, par dessin, on est encore quand même au début des images informatiques, enfin, faut pas l'oublier, quoi, même si ça va très vite. Et dans 50 ans, les gens qui... Enfin, où en sera la technique? Donc c'est évident que là, on sait déjà quasiment tout faire avec l'image de synthèse. Dans 50 ans, on aura dépassé largement le stade de « on sait tout faire » et on pourra... Voilà, enfin, on pourra faire, on pourra s'amuser. On peut déjà le faire, hein. Il y a plein de gens qui le font, mais heureusement. Mais justement, je suis bien content que... À la limite, je suis bien content que, justement, tous les DreamWorks et tout ça fassent leur standard, puisque comme ça, on peut faire autre chose. Mais c'est bien. Oui, mais ça veut dire qu'on va devoir encore avoir une même hégémonie comme il y a eu... Encore une fois, il y a des choses bien. L'idée n'est pas de critiquer absolument, mais comme Disney, qui a eu quand même cette hégémonie au niveau de l'animation et du dessin animé, puisque c'était réduit au dessin animé, et que là, on va avoir maintenant que des films en images de synthèse avec des choses... Très très bien, bien évidemment, mais avec en effet, là on a, c'est affolant. Enfin, en un an, on va sortir un nombre de films en animation. Je pense qu'on n'a jamais vu ça en long métrage et fait en un temps quand même record. C'est des films qui sont en plus faits très rapidement. Mais on en parlait tout à l'heure avec les. On a de plus en plus de tuyaux, que ce soit sur les téléphones portables, que ce soit sur internet. Donc on a de plus en plus de tuyaux, il faut bien les remplir ces tuyaux. Et oui, c'est ça le problème. Mais par l'animation, c'est nouveau? Non. Bah, par l'animation, c'est une industrie comme une autre aux États-Unis, par exemple. En France, c'est en passe de le devenir. Ça l'est avec la série depuis très longtemps. On parle très peu de la série en anime, mais d'ailleurs, on en a assez peu parlé, là. Mais la série, elle est présente à Annecy. Nathalie, On avait parlé un petit peu, en effet. Moi, j'ai pas vu les séries. Nathalie, la journaliste, on a parlé un petit peu, en effet, de la série, justement. Mais voilà, donc c'est une industrie qui répond à une autre industrie de diffusion, celle-là, qui sont les tuyaux. Maintenant, il n'y a plus que les chaînes de télévision, mais qu'il y a les opérateurs de portables. C'est incroyable le nombre d'images qu'il faut fournir. Donc ça, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Sauf que là, ce qui est surprenant, c'est au niveau du long métrage. Parce que le court métrage, finalement, en effet, poursuit sa route. Et il n'y a aucune raison que ça en dérive. Moi, je ne suis là, pas là, on a dans ce coin un long métrage qui devient standardisé de nouveau. Mais il y a encore 6-7 ans, on n'avait pas, pas autant ça. Disney était les seuls. Allez, il y a 10 ans, Disney est encore les seuls. Il y a eu, en effet, Pixar, petit à petit, DreamWorks. Il y a eu des choses qui sont des coups de butoir, on va dire, dans l'empire. Et maintenant, tout le monde fait la même chose, sauf que ça vient de Columbia. Oui, mais par exemple, je ne serais pas surpris de voir que les formats évoluent, changent et s'adaptent justement aux tuyaux pour lesquels ils seront destinés, à savoir des formats beaucoup plus courts. Étrangement, je vois pas dans l'avenir, mais est-ce que les opérateurs ne demanderaient pas des formats de 25 minutes, par exemple? Des formats de 3/4 d'heure, tout ça parce que les gens se lassent vite. Je sais pas, tout reste ouvert, mais ce qui est évident, moi je suis pas du tout surpris par cette industrie lourde. Annabelle, toi qui nous parlais tout à l'heure des différents. Oui, c'est à toi que je parle. Qui parlait des différents, justement, téléphones, etc. Tu sens que les diffuseurs pourraient demander des choses comme 25 minutes ou des. 30 fois, 30, 20 secondes est-ce qu'ils demandent ou est-ce qu'il faut leur apporter encore des projets? J'ai pas l'impression qu'ils demandent tant que ça, ils sont ouverts. Ils connaissent pas super bien l'animation ni le cinéma en général. Ils sont ouverts un peu à tout. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de boîtes qui se créent pour créer du contenu spécifique pour le téléphone portable notamment. C'est ça que je remarque plus en fait. Donc en fait, on vient pallier, c'est pas du tout des envies de création forcément, mais on vient pallier d'un seul coup une demande. Il y a une demande et donc on crée la... Oui, ou aussi parce qu'on va maîtriser une technique ou qui va bien s'adapter et que c'est aussi une façon de montrer ce qu'on fait. Un peu comme du travail de commande, on va réussir à mêler et la commande et ce qu'on a envie de faire aussi. Enfin, c'est un peu sur le même principe, quoi. C'est pas uniquement pour boucher des trous, hein. Bon, après... C'est sûr qu'il y a de la place dans ces nouveaux réseaux de diffusion, mais voilà. Michel, ça c'est le genre de choses qui, toi, par rapport aux animes dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou qui tu regardes déjà un petit peu ou... C'est encore un peu nouveau pour en parler. Il y a eu ce type de demande pour les téléphones portables avec des images fixes. Donc l'évolution logique, c'est que ça passe aux images animées. C'est peut-être encore un peu tôt, mais je pense que c'est une évolution logique, effectivement, d'avoir des commandes de format très court qui puissent être envoyées comme on envoie un texto et d'envoyer un petit film d'animation. Peut-être pas 25 minutes, mais 20 secondes. C'est sans doute une évolution probable de la demande. Mais après, c'est aussi beaucoup, c'est pas uniquement pour illustrer comme on met une image en fond d'écran, etc. C'est aussi sous le principe comme un peu du téléchargement, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'attends mon train, j'ai 10 minutes, je sais pas quoi faire, je vais sur mon portail. Et j'ai envie de voir ce film-là. Donc, il y a quand même pas mal de films d'auteurs, en fait. Il y a La Révolution des Crabes, il y a ce genre de films aussi. Et vous, on en parlait en tant que créateur, Sébastien n'était pas là, il peut peut-être réagir. En tant que créateur, vous pensez vraiment, j'imagine pas Novecento sur un petit écran. Il y a tellement de détails. Je ne bosse pas fait pour. Hein, donc, l'idée, c'est quoi? C'est de créer spécialement pour les. Vous, par exemple, vous, qui faites des films vraiment complètement différents, on a trois créateurs assez différents, voyez bien faire si on vous commandait demain des films pour les téléphones portables, c'est facile. Je sais pas. Sébastien, Sarah, Franck, là, vous trois. Je sais pas Sarah. Si c'est facile, mais à partir du moment où il y a un certain nombre de contraintes, on peut s'amuser avec aussi. Moi, j'ai fait Novecento parce que j'avais une idée en thèse et puis une envie d'une atmosphère, mais je pourrais faire autre chose avec d'autres contraintes, enfin, justement, plus de contraintes. On peut s'amuser avec tout. La contrainte, ça. Juste pour ajouter quelque chose, c'est que on n'est pas non plus obligé de créer pour le portable, on peut aussi en profiter comme voilà, d'un réseau en plus de diffusion, quoi. C'est un petit plus. Voilà, comme on va mettre son film sur DVD ou en vidéo à la demande, on peut aussi, on sait qu'on peut aussi le vendre. Si je pose la question, c'est vrai que peut-être que la seule différence, et en effet, souvent, trois exemples, et c'est vrai que par exemple, les films qui sont très très intelligents, comme je pense, enfin très intéressants, comme Clic-Clac par exemple de Super Infocom, je suppose que ça passe très bien aussi sur petit écran. Il y a une idée qui est là. Encore une fois, c'est vrai que je suppose que au niveau des films faits comme les trois qu'on peut avoir là, l'Inventaire Novecento ou Des Canons dans les Cuisines. Ouais, je pense que Des Canons dans les Cuisines, ouais, ouais. Sur portable, ça cartonne. Hein. Ah ouais. Je vais te le passer, tu vas me le vendre. Ouais. Même si on va pas forcément c'est voir. Parce que c'est un film érotique, alors c'est pour ça. C'est pour ça. Non, mais est-ce qu'il s'est bien vendu? C'est pas non plus un film dans lequel il y a des tout petits détails ou sombres. Ça passe plutôt bien. Hein. Sur ce format-là, et oui, aussi sur le thème, hein, c'est sûr. Ben voilà. Florentine, tu te vois faire des films pour... Déjà, je suis sûre que mon film-là ne passerait pas du tout sur un portable. Parce que déjà, il y a du mal à passer au rétroprojecteur, donc... Mais oui, pourquoi pas créer... Enfin, je trouve intéressante l'idée d'avoir une commande et justement d'en faire... de mettre un peu de soi dedans et... J'aimerais bien plus tard travailler pour justement faire des clips ou des pubs ou des choses de commande, vraiment. Et donc, pourquoi pas pour le portable? Oui, ça serait intéressant, je pense. Ouais, je suis curieux d'ailleurs, puisque là on a 19 ans, on va pas tarder à arrêter, hein, mais puisque vous écoutez toujours Bulle de Rêve et puis j'ai la chance d'avoir un super plateau. Pourquoi vous trois, parce que j'ai trois réalisateurs, encore une fois différents, une réalisatrice, le réalisateur, pourquoi vous faites pas de pub? Ça vous intéresse pas? C'est parce qu'on est. Là, Michel, quand même, on a parlé de pub aussi tout à l'heure, ou on vous demande pas, ou... Je pense qu'il faut avoir une demande. Moi, c'est mon premier film, ouais. Il commence sa carrière. J'ai été contactée par un agent, donc peut-être un jour, j'espère. Mais après, il faut aussi que ce soit... On a des univers, tous les trois, qui sont assez personnels, assez forts. Il faut que la demande soit en adéquation avec ça, donc c'est pas forcément facile. Inventaire, t'as pas eu des Si. J'ai eu des propositions qui n'étaient. J'en avais des sérieuses, j'en avais des moins sérieuses, mais d'une manière générale, non. Enfin, moi, ouais, bien sûr, pour l'argent, pour le pognon, ça m'intéresse énormément. Sinon, ça m'intéresse pas du tout. Quoi. C'est le fait d'avoir des contraintes, comme. Non, c'est que c'est un milieu que je connais par ailleurs, que j'ai un peu fréquenté et que je supporte pas. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc oui, pas de. Si je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien, une agence avec qui ça se passe bien, un client avec qui ça se passe bien, bien sûr. Moi, au contraire, c'est une manière comme une autre de gagner sa vie. Mais jusqu'à présent, et notamment après l'inventaire, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. C'était pas sérieux, quoi. Et toi, Sébastien, tu fais des habillages notamment des films d'Emmanuel Mouret. Ah ouais, ça c'est un générique. Mais voilà, d'habillage le film comme ça. Oui, ça m'est déjà arrivé de répondre à des commandes. En sortant des Arts Déco, j'avais fait de l'habillage de chaîne pour TF1, pour Disney Channel, et c'était très intéressant parce que justement les contraintes étaient suffisamment strictes pour pouvoir ouvrir une sorte d'espace de liberté par ailleurs. Donc j'ai énormément appris. Après. J'ai été contacté par des agences ou par des producteurs, voilà, qui voulaient faire de la pub. Mais bon, Michel ici présent. Effectivement, la tentation de montrer des films d'auteurs dans un milieu publicitaire est un pari assez risqué, en fait. Oui. Parce que dès qu'on a un film où il va y avoir de la poésie, de la sensibilité, des choses... qui sont pas directement exploitables commercialement. Faudrait tomber sur des clients qui eux-mêmes aient un goût pour l'animation et une envie très forte. Donc, sachant que sur des commandes, il y a énormément d'intermédiaires, il est très difficile de vendre des choses qui soient pas a priori faites pour ça. Ça se fait quand même, puisque Dan Souza, dont on a parlé là, a travaillé sur un générique pour un long métrage. Je ne sais pas si ça aboutit, mais en tout cas, il est sur le coup en ce moment. Et puis, on a vu quand même une pub United Airlines qui a été réalisée par. Son nom m'échappe, Petrov. Donc, Mais est-ce que c'est des gens qui ne sont pas récupérés, enfin, notamment Petrov, et chez notre ami. un tour d'avoir, qui fait aussi AWN et qui a cette société de production. Ron Diamond. Ron Diamond. Merci Michel, je sais que c'est un ami. Donc Ron Diamond et qui récupère, qui fait un peu les animes, grandeur nature de l'autre côté, l'outre-Atlantique, puisqu'il a Petrov, je sais plus qui, là, ben il a. Ça y est, c'est la fin, 19h30, je ne sais plus du tout. Père et fille, du Doc DeVitt. Il a des grands noms. Il a récupéré Uri Atlan aussi d'Overtime. Il a récupéré Uri, d'accord. Toca Fondo. C'est plutôt mal passé. C'est vrai, Toca Fondo. Oui, dans sa bande démo. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Effectivement, il essaie de présenter des grands réalisateurs primés à Annecy et d'autres qui ont moins le statut d'auteur et à destination des agences de pub, enfin pour le marché nord-américain en fait. Et j'ai cru comprendre, hein, selon ce qu'il me disait, que c'était qu'il y avait une demande réelle pour l'animation. Mais bon, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. On n'a pas l'impression de voir forcément des chefs-d'œuvre sur des films de commande. À Toca Fondo, je suis surpris. Autant Plim, parce qu'il a Plimpton aussi, évidemment. C'est des amis. Ces gens-là, je veux bien. Toca Fondo, c'est vrai qu'évidemment, c'est un réalisateur absolument. Ah, c'est sur une bande démo maintenant. Je ne pense pas qu'il ait fait de la pub. Beaucoup de pubs de Toca Fondo. Non, mais Toca Fondo, par exemple, je me souviens, il avait fait un générique pour le festival de Cannes. C'était, si je me souviens bien, le générique d'ouverture du festival. Donc, ça peut générer des commandes, mais plus dans un domaine culturel, artistique, que purement commercial. Parce qu'on imagine très très mal cet univers-là pour vendre de la pâté pour chat. Non, mais c'est vrai que, pour rebondir aussi sur ce que disait Sarah tout à l'heure, les génériques, les logos animés Toca Fondo, il a fait plusieurs génériques effectivement, notamment le logo animé de sa boîte de prod, La Fin de Langue, et pour les génériques de long métrage, je pense que c'est quand même un milieu assez différent de, et que ça passe vraiment par d'autres réseaux, que c'est quelquefois le réalisateur lui-même qui dit bah tiens, moi j'aimerais bien avoir, je sais pas comment ça s'est passé là pour